Bon, bah, tout le monde s'entend, bienvenue. Donc, on est bien dans la caserne avec les soldats. Et il y a plusieurs questions. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est celle qu'on m'a posée juste avant la pause, par rapport à votre ressentiment sur ce qui se passe avec les zadistes. Et ma deuxième question, parce qu'elle sera quand même en rapport avec la première, c'est de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement comme action. Vous m'entendez là? Je sais pas si ça passe. Allô? Oui, On on m'entend? t'entend très bien. Ouais, d'accord. Donc je disais, voilà, quelle action concrète on peut faire justement, puisque ces zadistes, eux, ils sont dans cette démarche justement d'action concrète. C'est ce que ceux qui les défendent, en tout cas, c'est leur argument de dire, eux, ils font quelque chose, ils occupent le terrain, ils se défendent. Je veux dire, nous, de quelle façon on pourrait s'organiser, quelle action concrète aussi on peut mener. Alors, première question, qu'est-ce que vous pensez de ces zadistes? Et deuxième question, quelles actions concrètes pourrait-on mener justement dans, on va dire en tout cas, un objectif de reprise du pouvoir, de réenracinement, etc. quoi, voilà. Qui est-ce qui veut commencer? Faites clignoter votre comment dire votre pseudo comme ça, je vous donne la parole. Allez, Stouff. Ouais, bah, bonsoir. C'est intéressant comme sujet parce que souvent on entend des gens de droite ou même ailleurs qui définissent, on va dire, les zadistes comme des punks à chiens qui squattent des terrains privés, mais je pense que ça va un peu au-delà de ça. Il y a, on va dire, certes, des gens qui sont un peu en marge du système, qui sont un peu là en mode de squatteur, mais il y a aussi peut-être ils sont peut-être en minorité, mais il y a des gens qui ont un projet, il y a des gens qui ont une vision d'avenir différente, que ce soit un peu hors système ou alternative, on va dire, à ce qu'on leur propose. Et après, qu'on soit d'accord ou pas avec leurs idées, c'est intéressant de voir que ces gens-là sont sur le terrain et se bougent. Donc moi je suis content qu'il y ait ce débat-là, parce que souvent on est sur internet, on discute et tout ça, et ça serait bien d'avoir des alternatives concrètes sur le terrain, quoi. Ah bah, très intéressant. Alors, quelqu'un veut enchaîner? Allez, Bastos. Du coup, pour parler de la ZAD, déjà, parce que déjà, bon, il y a, c'est-à-dire là, il y a des conflits qui commencent à se régler. Il faut savoir aussi que il y a des projets agricoles qui se montent et tout. Alors là, je parle pas des, voilà, des gens qui foutent le bordel, tout ça, les punks à chiens ou, on va dire, ceux qui sont là juste pour rien foutre. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des projets qui sont intéressants, comme projet agricole qui, d'ailleurs, même l'État est en train de voir si, s'ils vont accepter ou pas. Ces projets, quoi. Par rapport à la violence, parce que bon, on va dire quand même, ils ont voulu les dégager assez presto. Bon, moi, c'est vrai que la mentalité, je suis pas en accord à 100% avec eux. Par contre, bon, ce que je remarque, c'est qu'on a plus de facilité à les dégager à un rassemblement de gauchistes que d'un camp de migrants, tu vois, où là, les mecs sont carrément clandestins, n'appartiennent pas à une terre. Et tu vois, on les dégage pas eux. Eux, par contre, on met quand même énormément de moyens pour les dégager. Alors certes, ils sont dans l'illégalité. Moi, je reconnais tout à fait ce fait. L'État est en droit sur pas mal de dossiers de la ZAD, quoi. Maintenant, il y a des trucs aussi, il me semble, s'il y a des proprios, hein, qui ont leurs terres, hein, il faut quand même le rappeler, qui eux ont des projets agricoles. Donc ça encore, c'est à eux de voir comment s'ils se mettent d'accord avec l'État et tout. Mais en tout cas, moi, je vois la force quand même qui est employée pour dégager des gens qui, finalement, est-ce qu'ils dérangent l'État à ce point-là, quoi? Puisque le projet a été abandonné, hein, de l'aéroport. Donc, concrètement, en quoi il les dérange encore, en fait? C'est là la question, pour moi. D'accord. Quelqu'un veut rebondir? Faites clignoter. C'est qui? Greg, je crois. Greg. Et après Pierre. Non? Oh, Alors FTP. Vas-y, FTP. oui, bonsoir. Ouais, moi, à titre personnel, ça me fait un peu chier parce que, moi, par exemple, j'aimerais beaucoup faire comme, très sincèrement, hein, chez moi, les espaces verts non occupés, ça ne manque pas. J'aimerais bien me tirer 4 piquets et dire, bon, bah voilà, moi je décide que ces 3000 mètres de terrain m'appartiennent. Et pour faire un projet agricole en plus, hein, quelque chose de propre. Mais ça marche pas comme ça. Moi, si j'essaye, ça va durer une demi-heure d'histoire. Et je trouve ça tout à fait normal, en fait. Moi, c'est ça qui me gêne beaucoup. Après, si une fois tout évacué, il y a certains mecs qui ont monté un projet, je sais pas si c'est avec la commune, le département ou l'État, un projet agricole dans les règles comme tout le monde avec un loyer, pourquoi pas, au contraire, mais le fait comme ça d'arriver de s'approprier, enfin c'est je comprends même pas qu'on puisse vraiment se poser la question, en fait. Alors vas-y Pierre. Ouais, donc bonsoir à tous. Bon, ZAD, ça veut bien dire zone à défendre. Au départ, de mémoire, d'après ce que les journaux nous ont raconté, ces altermondialistes étaient là pour défendre le terrain de la construction d'un aéroport. Aujourd'hui, je pense que ce projet est abandonné par l'État, donc ils ont finalement gagné. Quel est aujourd'hui l'intérêt à continuer d'occuper un terrain? Comme vient de le dire effectivement FTP, il y a des gens qui sont sur place qui ont peut-être une réelle volonté légitime de vouloir créer quelque chose d'écologique, de permaculture ou autre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que dans leur dans les ouvertures du gouvernement, parce que là on peut quand même dire qu'il y a une ouverture, la préfète leur a demandé de déposer un dossier, etc., et d'expliquer un petit peu, et éventuellement ils autoriseraient donc ces gens à rester. Et même là, le collectif ne veut pas se soumettre à cette autorisation finalement de rester sur place. Alors quel est le but? Chercher un conflit perpétuel avec les forces de l'ordre et l'État? J'en vois pas trop l'intérêt aujourd'hui. Après, on sait. Non, mais c'est vrai, la petite précision de Pierre, c'est vrai que l'État a cherché à négocier. En demandant que ceux qui aient un projet viable à présenter, bah en fait, ils puissent le faire devant une commission et puis comme ça, on leur attribue des terres. Bon, c'est bien de le préciser. Bah, vas-y, Bastos. Ouais, non, c'était pour aller là. Après, maintenant, on sait qu'il y a beaucoup d'économies souterraines aussi. Lié à ce truc, c'est peut-être pour ça la méchanceté de certains qui veulent pas trop se faire choper leur bon plan, hein, voilà, de... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire économie souterraine? C'est-à-dire. C'est-à-dire des petits plans de. Bon, c'est pas en direct. Des trafics de choses illégales, on va dire. Des trafics de plantes assez vertes. Verbanigo. D'accord. Donc, tout le monde aura compris, j'espère. Donc, oui. Donc, ça voudrait dire qu'il y a un peu des trafics derrière. Tout d'un coup, ils sont. Ils ont l'air un peu moins sympas, c'est plus trop des hippies gauchistes, finalement. Alors, tiens, Juma, ah ouais. Vas-y, après Martin. Bonsoir tout le monde. Moi, en fait, j'aimerais revenir, en fait, sur la question... Alors, sur la légalité, je pense qu'on est tous d'accord. Après, si on prend la légitimité, je pense que là, c'est le point de désaccord. Mais moi, ce que j'aimerais souligner, en fait, c'est... la technique et on va dire le fait que des gens se rassemblent pour essayer de monter une structure hors du système. Je veux pas dire que j'ai de l'admiration pour la démarche, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut s'en inspirer dans le sens où nous aussi on parle beaucoup de créer quelque chose qui est hors système, parce qu'au final on voit que le gouvernement va jamais aller dans notre, enfin dans notre, c'est on a des avis différents, mais si on était tous d'accord sur le constat et sur les choses à faire, ils ont quand même un degré d'organisation et un niveau de solidarité dont on peut s'en inspirer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah, il y a les deux opinions. Je lis un peu même les remarques sur le chat. Il y a ceux qui vont me dire oui, c'est inadmissible, les gauchistes, on leur file des terres, etc. Et puis les autres qui disent bah il faut faire pareil, il faut s'en inspirer. Bon, c'est deux visions. Bah Martin, toi tu voulais intervenir, je crois. Ouais, vas-y. Rapidement. Parce que je connais un peu ces trucs-là, ces sites-là. Ce qu'il y a, c'est que le projet, bon bah il a été abandonné. Les mecs qui sont vraiment battus pour cette cause-là, ils se sont barrés parce que voilà, il n'y a plus rien à défendre. Finalement, les mecs qui restent, ça reste du parasitaire, et finalement, c'est eux qui desservent la cause des actions comme ça, qui servent à briser un peu les lois de l'État, quoi. ça reste du voilà du paradis qui occupe les terres. Ça coûte un pognon fond, enfin je sais pas combien ça coûte par jour, j'avais entendu des sommes pas possibles, et je me suis renseigné un petit peu sur combien de personnes voulaient vraiment faire un projet sur le truc, et tu te rends compte que il y a 3-4 pélos et que ouais, le truc il avance pas et que c'est du flan quoi. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils foutent là quoi, les mecs? Ok, qui est-ce qui voulait prendre la parole? Vas-y, Bastos. Ouais, du coup, par contre, pour moi, la ZAD, alors de mon point de vue, vraiment, c'est pas les nationalistes ne peuvent pas faire ce genre de choses, parce que un nationaliste, il est pour la cohésion nationale. Or là, c'est quand même des groupes qui font scission à la nation, donc ça devient des territoires de non-droit. Donc moi, je suis complètement en désaccord dans la les formes qu'a pris ce projet. Maintenant, je suis d'accord avec eux, ça va être tout ce qui est permaculture, voilà, faire des projets comme ça qui vraiment sentent la nature, tout ça, ça, il n'y a pas de souci. Mais être hors cadre juridique, ce n'est pas être dans la cohésion nationale, quoi. Voilà, même si aujourd'hui l'État est corrompu, etc. Mais en tout cas, c'est pour moi, c'est pas compatible cette façon de voir les choses. Alors, Juvin et après Martin. Pour répondre à ça, ça pose quand même un gros problème, parce qu'on sait que l'État ne va pas aller dans le sens du nationalisme. En tout cas, là, on est parti avec Macron pour jusqu'en 2022, au minimum, et il va sûrement se faire réélire. Donc la question qu'on pose, c'est est-ce qu'on attend de voir et si on peut gagner par les urnes, ce qui a très très peu de chances d'arriver dans un futur proche, ou est-ce qu'on s'organise pour créer des territoires où on essaye de prendre l'action par nous-mêmes. Je trouve que la réflexion est intéressante. Vas-y Martin, et après Stouff. Ouais, la réflexion, c'est vrai qu'elle est intéressante. Après, c'est un truc qui est devenu énorme par le biais des années aussi de lutte qu'il y a eu. Ça s'est pas monté en une semaine, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait un projet qui avait été monté de patriotes nationalistes. Il y avait eu un petit reportage avec Vincent Lapierre. Bon, on voit que ça s'est fait sauter en même pas une semaine de temps. Le truc, il a même pas le temps d'ouvrir, qu'ils étaient déjà dehors, les mecs. Et tu vois le deux poids, deux mesures du truc. Moi, je pense que... Ouais, mais ils sont foncièrement... Est-ce que dans cette ZAD aussi, faut le dire, c'est des gauchistes, ils sont foncièrement antinationalistes. Vrai ou pas? Clairement, mais clairement. Tout à fait, tout à fait. Mais tu te rappelles pas le truc qu'ils avaient monté, je sais plus dans quelle ville, et que ça s'était fait sauter en deux secondes, alors qu'ils voulaient aider justement des gens sans abri dans un truc qu'ils avaient retapé. Vous vous rappelez pas de ce truc? C'était les identitaires à Lyon. Oui, tout à fait, tout à fait. Et moi, je pense que finalement, ça sert bien les médias que voilà, il y a les gauchistes qui luttent une petite mini-guerre contre les flics, tu vois, les gauchistes mondialistes, toujours cette petite vision, tu vois, ça sert bien les médias. Et moi, je vois que ça pour... En quoi la ZAD, c'est un projet mondialiste? Personnellement, je ne vois pas la ZAD comme un projet mondialiste. Sachant qu'en plus... Excusez-moi, Ouais, FTP, tu vois. Vas-y, FTP. Ah, ça a coupé. Ouais, on a perdu. Voilà, on a perdu. Je dis, c'est pas un projet mondialiste, mais ça sert les médias, tu vois, à mettre en image, tu sais, des gauchistes pour le mondialisme, justement, tu vois, qui se battent contre les flics de France qui veulent enlever la liberté aux Français, machin. Ça passe bien pour les médias, moi, je trouve. Quand tu regardes tous leurs tronches, ok, y a quand même, tu vois, il y a quand même qu'une ethnie qui est surreprésentée. Tu vois ce que je veux dire? C'est un camp, finalement, les mecs se battent pour le mondialisme, ou voilà, peut-être ils ont une idéologie comme ça, mais quand tu regardes la tête, d'ailleurs, même comment ils font pour supporter entre eux, parce qu'ils ont finalement tout le même type, quoi. Et il y a très peu de diversité, quoi, tu vois. Donc dans leur idéologie, encore une fois, je me base par rapport à eux. Je vois pas en quoi, là, leur projet est spécialement mondialiste ou... Non, je parle par l'œil des médias, après leur projet à eux, moi je te dis. Mais ma première phrase, c'est des parasites qui, le projet il est tombé, ils font pas l'aéroport, tout le monde se barre, c'est fini, les mecs récupèrent leur terre. Je peux répondre? Alors, vas-y, mon cher Justin. Eh bien, je Précisons que tu n'es pas en France. Ouais, je suis l'observateur, voilà. Voilà. Comme dans Fringe. Oui, par rapport à Bastos, je suis pas d'accord avec toi. Martin a raison. C'est un projet mondialiste, car ces personnes-là sont frontières. Ça, c'est, on va dire, la base de leur truc. Tout le monde aimait migrants. C'est un hôtel. Venez, allez travailler. Mais beaucoup de gens. Est-ce qu'ils l'appliquent chez eux? C'est ça que je dis en fait. Chez les zadistes, oui, totalement. Quand t'es migrant, on t'accueille très bien. Quand t'es blanc, on va dire, ça dépend. Si t'es pas d'accord avec eux. Pardon? Mais il n'y a que des blancs. Il n'y a que des blancs. Regarde les têtes, blancs, hein, tu regardes BFM. Mais justement, les blancs travaillent contre leur intérêt, je trouve. Parce qu'il n'y a plus qu'eux qui sont, on va dire, totalement individualistes. Le reste des ethnies, on va dire, je généralise bien sûr, j'amalgame, mais le reste des ethnies, moi, étant maghrébin, je le vois, sont tribalistes à différents niveaux, à différents degrés. Ouais, non mais là ça n'a rien à voir, pardonne-moi. Mais... là tu veux nous fourguer ton tribalisme à toutes les sauces. Là. C'est un peu le mec, il fout la crème fraîche dans tous les plats. Quoi. Non mais attends, attends. Là on parle des zadistes, les zadistes sont pas tribalistes, faut arrêter. Ah c'est non, non, tu peux bien. Mais ils sont entre blancs, c'est un fait. Non pas qu'ils soient forcément d'ailleurs racistes, parce que peut-être bien que effectivement en tant que noir, arabe, tu serais très bien accueilli, j'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils n'aiment pas les gens qui viennent de l'extrême droite. Ça, je te le dis, ça c'est une certitude. Ils n'aiment pas trop les drapeaux français et tout ce qui est référent à la nation. Après... en faire deux des tribalistes, non. Mal exprimé, j'ai dit le contraire. Ils sont individualistes. Et donc, sont totalement contre, on va dire, l'intérêt des Blancs. Là, on parle d'un groupe. Tous les Occidentaux sont individualistes, mon cher Justin. C'est pas le propre des zadistes d'être individualistes en Occident, quand même. Et à la limite, tu me dis qu'ils sont individualistes, mais moi, je leur reconnais d'avoir de la ténacité et de mener des actions de groupe. Pour le coup, nous, est-ce qu'on est capable de mener des actions de groupe comme eux le font? Eh bien, non. Non, non, parce que vous... Ah ben, tu réponds, t'es même pas en France. Okay. Non, mais il est français, Justin, il est français. Moi, je dirais que de toute façon, on ne nous laisserait pas le temps de le faire. Moi, je vais me permettre de répondre un petit peu. Vas-y, aussi. Vas-y, Pierre. Pourquoi les gens, on va dire, de droite ou d'extrême droite, ne feraient pas ça? Parce qu'on est foncièrement respectueux des lois et du droit. Tout simplement. Et que c'est des choses qui nous paraissent un petit peu aberrantes de devoir dévier de la législation, du droit, parce que on s'appuie, nous, essentiellement dans nos idéaux sur une certaine droiture, une rectitude. Et ça, c'est pas du tout dans notre logiciel de pensée de prendre un terrain d'autrui ou même un terrain d'État et de dire on va l'occuper. Alors même si j'ai bien tenu ce discours-là ailleurs, dans un autre contexte, il faut comprendre qu'il y a un degré d'urgence. On peut basculer un jour dans cette optique-là de dépasser le droit quand vraiment l'État ne fera vraiment plus rien pour nous. Qui est-ce qui va... Ouais, je vois... Allez-y. Ouais, Stouf. Je rebondis un peu ce qu'a dit Martin, c'est-à-dire qu'au début, certes, il y avait des gens qui voulaient vraiment défendre, on va dire, la ZAD, dans le sens où c'était une zone humide, donc il y avait des intérêts écologiques là-dedans. Il y avait des militants écologiques, et après, il s'est rejoint des mouvements anarchistes, sans frontiéristes, mondialistes, etc. Et c'est là, on voit justement, il y a un mélange, on va dire, un peu un chemin public de toute cette gauche. Et ça serait intéressant de reproduire ça un petit peu avec la droite. Et pour rebondir, je ne sais plus qui c'est qui a parlé d'un projet de Vincent Lapierre. Le problème, c'est que les mecs étaient un peu tout seuls. Donc c'est facile de les jarter, ça fait pas de bruit, et puis c'est vite fait. Quoi. Le projet de ZAD nationaliste, là, c'est ça? Ouais. C'était minime, quoi. Par rapport aux ZAD qui font. Par exemple, si on regarde ça se fait pas comprendre, c'est en Allemagne, c'était pour les mines de charbon. Je veux dire, il y a même d'autres ZAD en France, ils ont fait pour les sites d'enfouissement nucléaire, etc., etc. Concernant Lyon, la petite précision, c'était pas une ZAD, hein. C'était la prise d'un ancien bâtiment administratif qui était inoccupé, qui a été donc pris, réouvert, réaménagé rapidement et remis en état afin d'accueillir des SDF de la région lyonnaise, essentiellement des SDF de souche française, puisque c'était un groupe identitaire qui avait pris, qui avait mené cette action. Et de mémoire, ils étaient entre 40 et 50. Ah oui, d'accord, je l'ai vu ce reportage. C'est à ça que vous faites référence, d'accord, je comprends. Oui, effectivement, c'était pas une ZAD, vraiment. Bah, en l'occurrence, voilà, c'est à nous aussi de nous remettre en question et de voir qu'en fait, on n'est pas organisé en cellules, parce que bon, finalement, la ZAD, c'est quoi? C'est plein de petites cellules à travers la France de gens qui pensent mondialisation et qui sont gauchistes, quoi. Et c'est à nous aussi de nous donner une leçon et de commencer à créer des cellules militantistes, parce que quoi qu'on en pense, même si la victoire par la politique s'avère très difficile, va s'avérer très difficile, pardon. En l'occurrence, des cellules militantistes, ça peut faire bouger les choses très rapidement et surtout créer une cohésion assez rapide pour ce genre de mouvement, quoi. Or là, on n'a même pas ça. C'est-à-dire, on est juste pour l'instant dispersé, individuel, isolé. Et on peut pas, je pense, arriver au même niveau que la ZAD en tant que nation, même si Pierre, tu m'avais dit, voilà, ce que tu as dit, c'est un exemple, voilà, c'est des identitaires qui ont créé un truc, mais ils sont très vite jartés parce qu'en fait, ils ont pas le nombre derrière eux, quoi, et les autres cellules ne sont pas en cohésion avec eux, quoi. Le problème, c'est que même quand il y a du nombre, de toute façon, je te dis, on leur laisse pas le temps d'action nécessaire aussi pour se structurer, quoi. Ça devient tout de suite des dangereux groupuscules fascistes d'extrême droite. Et ils sont pas du tout considérés de la même manière. Et c'est peut-être pour ça que c'est intéressant, justement, de modérer un peu le discours qu'on peut avoir. Déjà, de un, pour fédérer plus de monde. Et deux, pour pas passer pour des extrémistes, même si dans tous les cas, ils vont vouloir nous poser ces étiquettes sous la tête. Mais regarde Asselineau, hein, il dit rien de spécial et on le fait passer pour un nazi. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Donc, bon. Non, mais entre ce que disent les médias et ce que pensent les gens, par exemple, toi tu sais très bien qu'il l'est pas. Mais par exemple, un mec de gauche, il va pas dire Asselineau c'est un nazi. Mais c'est qui va nous traiter de nazi, ce nazi? Salut. Par exemple, plein de gens qui sont de gauche, même des gens qui sont un peu de droite, les gens ne rejoindront pas ce genre de mouvement. Quand t'as des mecs qui tiennent certains discours, je te parle pas des médias, je te parle des gens. Si je peux me permettre, salut. C'est qui C'est VV, salut les mecs. Ah VV, salut. Ça va Vas-y VV. Ouais, je suis tranquille à Marseille, là je prends l'air avec les mouettes et les arabes. Alors je voulais dire, de quoi vous parliez les mecs déjà? On parle des zadistes. Ouais, non, mais à l'instant, juste à l'instant, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Je voulais dire un truc, putain, c'est quoi, excusez-moi. Par rapport aux cellules militantistes, du fait que l'État réagirait très rapidement sur des cellules de coloration droitarde. Sur des regroupements de nations. Oui, voilà. Oui. Bah je sais plus ce que je voulais dire, parce que c'est vrai que c'est un constat un peu. Je veux dire, qui s'impose à nous. Alors, je crois quand même que depuis la Deuxième Guerre mondiale, quand c'est un peu trop à droite, il y a un espèce de réflexe de Pavlov. Mais à part ce constat, j'ai rien de plus à dire. C'est assez désespérant. Donc, quelle solution alors? Moi, je pose la question. Comment ça se fait qu'on peut pas s'unir avec les mecs de gauche, les zadistes qui foutent le bordel, ou alors qui vont dans des facs et tout? Ils veulent pas. Est-ce que c'est parce que, comme disait quelqu'un auparavant là, est-ce que c'est parce que les droitards, la règle c'est la règle, l'heure c'est l'heure, enfin tu vois, je veux dire, on est un peu trop respectueux et du coup ça se tourne à notre désavantage. Pour répondre à ta question simplement. Et en discuter avec des gauchistes comme ici disent et des fascistes comme disent les gens de la gauche, c'est-à-dire que justement on se retrouve avec deux fronts, on va dire plus ou moins opposés, parce que dans la gauche il n'y a pas que des gauchistes, il y a des gens qui sont un petit peu nationalistes dans un certain sens, ils seront pas forcément anti-immigration etc mais ils rejoindront sur beaucoup de sujets. Le problème c'est que par exemple dans la droite, si on n'est pas contre l'immigration, on est un gauchiste, donc oui, on ne veut pas. Oui, et à partir de ce moment-là, ça crée une scission Oui. Et c'est difficile de rassembler beaucoup de monde. Voilà, c'est ça. Il y a plein de chances. Ouais, ouais, c'est ça. Et pardon, ça me revient à ce que je voulais dire, c'était qu'on disait quand on traite de facho, tu sais. Alors c'est vrai que moi aussi je l'ai subi quand même un peu comme tout le monde. Et alors moi ce qui me semble comprendre, c'est qu'il faut se soustraire à cette équation, c'est-à-dire le mec qui te traite de ce qu'il veut. Il peut te traiter de pédophile, il peut te traiter de cambrioleur, il peut te traiter de facho, il te traite de ce qu'il veut, c'est lui qui ça regarde. Et c'est vrai qu'on a vu la campagne de Trump, à chaque fois qu'il se faisait éclabousser comme ça, il prenait une demi-seconde pour botter en touche et il disait ce qu'il avait à dire. Alors, c'est facile à dire, hein, parce que bon, on s'est fait bourrer le mou, mais voilà, je veux dire, perdre le temps de se défendre, je suis pas facho, c'est bon, c'est l'autre qui t'a traité de facho, il se démerde avec ça, c'est lui qui dit ça, enfin, tu vois ce que je veux dire. Faut essayer d'un peu de s'extraire de ça. Voilà ce que je voulais. On va pas attendre des médias mainstream qui nous fassent des bisous. Non, mais quand tu vas agrandir les rangs. Je préconise de dire bah fuck quoi les médias mainstream, fuck les gens. Il faut s'affirmer tel que tel, dire ce que tu penses. Après on va te traiter de facho, bah on va te traiter de facho. De toute façon ça fait partie du truc. Donc justement en se foutant de ça, comment on fait et quelles actions concrètes on peut mettre en place, tu vois, nous aussi de notre côté. C'est ça que je raisonne. Bah ouais, je me dis, avec toutes les chapelles qu'il y a, il y a quand même en dessous, je pense, de ces chapelles des militants, donc il serait peut-être temps que les militants se coordinent quoi, pour ce genre d'action, si ça va dans leur intérêt, bien sûr. Moi, je trouve qu'il y a quand même une grosse scission à l'intérieur de cette droite entre les racialistes et ceux qu'on appelle... ceux qui sont plus sur une ligne, comment tu dirais, modérée. Non, mais il y a un terme idéologique. Ouais, mais genre ceux qui sont ouais non nationaux civiques, tu vois, genre qui sont national civisme, tu vois, si t'as atteint, c'est plutôt des certaines valeurs qui vont les réunir, et l'autre, c'est autour de la race. Et ça se fait exclusivement autour de la race. Et ça, je pense que c'est vraiment une question qui mine le fond et qui divise vraiment. Ouais, je me permets de donner mon point de vue. C'est-à-dire, moi, je dis... Alors, désolé, hein, je suis en train de lire Jean Raspail, quoi. C'est-à-dire le camp des saints. Je ne sais pas si vous l'avez lu, les mecs, ce livre. Il existe en livre audio aussi. Bon, ben voilà, le mec, en 1973, il a écrit son roman... C'est quoi ? C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est-à-dire c'est les bateaux de migrants qui débarquent, tu vois. Et donc personnellement, j'en suis au constat que oui, il y a une grosse menace génétique. Alors blanc, pas blanc, race, ethnie, on s'en fout. Je veux dire, il y a une menace génétique. Tu regardes les compteurs de naissance démographique, il n'y a pas à tortiller du furon. C'est comme ça. Tout à l'heure dans le chat, quand on patientait avant le début de l'émission, je demandais aux gens : est-ce que vous savez combien de Caucasiens on est sur Terre ? Alors je crois que j'ai pas eu de réponse, ils m'ont dit 1 milliard les mecs, mais il faudrait que je vérifie, et surtout comparé aux autres. Donc moi j'en suis à ce stade, personnellement, après je vous laisse la parole, que oui, il y a une réelle menace génétique, ethnique, culturelle aussi, mais en même temps, je veux dire, personnellement, je me dis, oh, si la France, on veut juste essayer de sauver les meubles, bon, ben allez, ok, il y a des Arabes patriotes, il y a des je sais pas quoi patriotes, même, allez, je suis fou, allez, j'ai un peu trop picolé, il y a des musulmans patriotes, je sais, pour moi, c'est vraiment un effort que je fais de conciliation, c'est-à-dire, bon, allez, on va dire, allez, il y a peut-être 8 musulmans, ils peuvent être patriotes, j'en sais rien, mais enfin, face à cette pression démographique qui est colossale, parce que là, c'est ça dépasse même la vision d'une vie humaine. C'est-à-dire, là, vous avez vu les chiffres ou quoi, démographiques ? Bon, voilà, je me tais. Tout. Il y a des priorités, mais je veux dire, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de tout prendre dans un discours et ça ne te fout pas non plus dans un autre camp. C'est-à-dire, tu peux dire, oui, l'Occident est menacé génétiquement et pour autant, Majid Oukacha, qui est un Algérien, un Arabe, je dis que son discours, c'est bien. Ou alors le boxeur, la noire, je ne sais plus comment il s'appelle, vous savez ? Carton. Ouais, voilà, Carteron. Bon, voilà, c'est l'espèce de polémique. À un moment donné, c'est un faux... Enfin, pour moi, la division, c'est un faux problème. Je pense qu'on est en train de se créer un pseudo-problème, alors qu'en fait, on se rejoint sur juste 95% des questions. En gros, là, on est en train de faire catholique vs orthodoxe, quoi, tu vois, et pour métaphorer le truc. Et en gros, on va se battre sur 5% de détails qui, finalement, quoi qu'il arrive... Et là, pour ceux qui sont racialistes en objectif premier, je leur dis, mais les mecs, aller vers ceux qui veulent faire déjà une sélection naturelle de l'État français, et vous verrez que votre projet, vous pourrez l'appliquer beaucoup plus facilement si vous vous alliez avec eux. Mais là, non, on veut créer, je sais pas qui veut ça, en fait, créer une fausse scission. Mais en fait, elle n'y est pas, cette scission. On est d'accord sur tous les sujets. Après, moi, je suis d'accord que c'est un faux problème et qu'il faudrait traiter les problèmes par priorité. Et ça, c'est pas la priorité. Mais il y a quand même un bon fond. Enfin, je sais pas, je dirais peut-être, allez, je lance un chiffre comme ça, hein. Peut-être 20 à 30% qui se disent non, mais c'est un projet de blanc entre blancs, tous les autres sont exclus. Non, attends. Mais alors, c'est 20 à 30% du mouvement de la résistance. Est-ce qu'ils peuvent dire encore leurs mots et influencer en général le mouvement d'une résistance de droite? Ben non, ils sont que 20-30%. Donc, ils seront représentés à 20-30% quand on aura repris le pouvoir. C'est-à-dire, ce ne seront même pas encore des majorités. En prenant tes chiffres, hein. Donc, à un moment donné, tu t'allies avec eux parce que c'est un allié d'intérêt, ok, c'est comme ça. Ce sont, je veux dire, c'est pas des gens méchants, c'est pas des gens qui veulent exterminer tout le monde, ok, ils t'expliquent juste qu'ils ont une peur génétique. Je suis entièrement d'accord, ce qui compte, c'est la victoire. Voilà, c'est la victoire. Il faut choisir. À un moment donné, on n'est pas là pour se battre, hein, lui, oui, ça peut se blessé. Alors moi, ici, on m'appelle le macaroni parce que Dieu a ses conneries. Quoi. Mais je veux dire, on s'en fout, c'est tellement illusoire. Là, on parle de la France, on parle pas des nations blancs, ok? On parle de la France. Mais c'est effectivement un problème, mais c'est intéressant. Quelqu'un veut rebondir là-dessus? Faites clignoter, ouais, cam. On t'entend pas, Cam. Bah, Pierre, alors, parce que Cam, on n'entend pas. Ok. Oui, effectivement, pour recentrer un petit peu sur ta question, t'es pas comment faire. Bah, tout d'abord, peut-être finalement essayer de comprendre que l'union fait la force et qu'éventuellement, il serait temps pour certaines nations ou pour un ensemble de groupes nationaux de mettre la main à la poche et d'essayer de construire quelque chose ensemble. Dans un système à peu près légal, sans trop s'enchaîner au maximum à des obligations avec l'État ou avec des banques, des groupes privés. D'où l'intérêt justement de mettre la main à la poche. Et je pense qu'il y a des possibilités d'achat en groupe sous forme légale de sociétés civiles immobilières. De terrains, de d'anciens bâtiments qui pourraient permettre de recréer des communautés. Alors des communautés pas entre soi, restant ouvertes à un public, où on afficherait effectivement cet esprit patriote et où on pourrait à nouveau créer un tissu local d'activités qui permettrait finalement de développer un tissu économique et des gens. Ouais, c'est ça. C'est très intéressant ce que tu dis. Parce que, alors, je te donne la parole après, Julien. Moi, justement, c'est ça que je veux dire. C'est allier le fait, justement, de se communautariser autour d'un projet, mais aussi de lui donner une dimension économique, parce que c'est la clé. C'est pas, justement, entre guillemets, les projets que j'entendais de gauchistes et aller faire pousser du cannabis dans un champ, etc. C'est de voir ça comme le développement, le point de départ économique de quelque chose de concret, de qu'on pour se servir, pour avoir le être au niveau de l'ennemi entre guillemets. Voilà. Alors vas-y, Julien. Moi, c'est un sujet que j'ai beaucoup, dont j'ai beaucoup parlé sur le Discord auparavant. Je pense que il faut attaquer par une base de la culture et que aujourd'hui, alors la tendance commence à s'inverser, mais elle commence à peine. Mais il faut investir le champ de la culture à fond. Je m'explique. Pour moi, le Natio, il est encore vu comme un ringard, comme quelqu'un qui est dépassé, qui est dans le passé et qui on l'associe son image à quelqu'un qui est refermé sur lui-même et c'est pas sexy, c'est pas cool. Alors moi je pense que il faudrait apprendre à lutter aussi avec les armes du système, c'est-à-dire intégrer le champ culturel avec un message nation et le rendre audible auprès de la masse. pour qu'ils puissent, pour influer plus de gens. Je pense que ça donnerait aussi du courage à plus de gens de sortir de ce terrorisme intellectuel. Donc, moi, je trouve que la technique gramsciste ou la théorie de Gramsci, elle doit être appliquée. Et ça, c'est quelque chose. Il faut faire de l'art. Il faut, bon, moi, en l'occurrence, je suis pas trop un artiste, mais les artistes nationaux, j'en connais pas des vraiment bons. Ça commence à changer, mais c'est pas encore. Ouais, mais le problème, tu seras toujours blacklisté dès que tu commences à être nationaliste dans l'art, dans tout ce qui est art, musique, cinéma. Comme tu as dit, tu as raison, tu seras le ringard. Donc c'est pas pour tout de suite, à mon avis. Mais bon, espérons que ça marche. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, avec Internet et avec les moyens de communication qu'on a, on peut distribuer. Si on se crée des réseaux, et ça c'est vraiment. Pourquoi c'est distribuer la force. Sur Internet, t'as pas besoin de distribuer, c'est téléchargement. C'est encore plus simple. Je veux dire, à un moment. Vas-y, Pierre. Tu parlais d'économie tout à l'heure sur. Je me permets, justement, je vais un petit peu allier les deux. L'idée un petit peu de TEPA, effectivement, de dire, voilà, on peut faire un projet social et économique. Eh ben, je vais vous donner un petit exemple qui paraît, qui va tous vous faire un petit peu réfléchir, c'est le Puy du Fou. C'est un petit peu, justement, quelqu'un qui a réussi avec un esprit un petit peu droite, nationaliste et un peu ancien, de faire revivre finalement au travers de ruines. Il a refait un système économique autour de ça. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mondialement connu, qui s'exporte, qui est d'ailleurs devenu une marque et qui fait rayonner la France à travers le monde. Donc, ça peut être, tu vois, une petite idée. Alors, peut-être pas l'échelle du Puy du Fou. Vous voyez, une volonté, quand il y a des gens qui se regroupent et qui ont une volonté de vouloir faire connaître la culture française, et ben ça, c'est pas ringard, tu vois. Faire une comédie musicale avec tes pas. Non, mais c'est pas inintéressant de lier vraiment, c'est vrai, l'activité, l'économie, de pas rejeter l'économie, parce que moi, j'ai eu des discussions aussi, des échanges avec, justement, des gens comme ça, un peu gauchistes, et ils exècrent tellement le capitalisme, ils sont tellement dans l'idéologie que c'est des gens qui, d'entrée, lorsque tu vas leur dire « Ah bah tiens, on va faire un projet, peut-être faire ça pour vendre ça. Oh là là, non, c'est capitaliste et tout. » Voilà, ils ont une horreur de dire « on va faire un projet dans une conception économique » parce que c'est quand même la clé aussi de la réussite d'un projet en commun qui font qu'il y ait une économie. Chez les droitards aussi, c'est quand même vu d'un mauvais œil, hein. En France, oui, faire de l'économie, faire de l'argent. Après. Bah oui, dès que t'as un truc à... Enfin, je sais pas, c'est un peu mal vu. C'est de la péter, bébé, qui est mal vu. Déjà, le truc, c'est combien de gens, d'auditeurs, je donne pas de leçons, moi je l'ai fait. Hein. Par exemple, c'est un truc con, tu vois, mais désactive Adblock quand tu vas sur patriote.info ou sur d'autres blogs, tu vois. Ce que je veux dire, c'est anecdotique, mais c'est une démarche, c'est-à-dire, quand il y a un mec qui sort un bouquin, il faut acheter son bouquin. Quand il y a un truc, il faut appuyer tout le temps dans le sens. Enfin, moi, c'est ce que j'essayais de faire. Et oui, il faut filer du flouze. Il faut appuyer. C'est pour ça que je trouve ça beaucoup mieux de développer un projet économique qui, en plus de fait, est soutenu peut-être au départ par une communauté de gens qui vont partager les mêmes valeurs patriotes, et puis, par extension, justement, peut trouver encore d'autres publics, d'autres marchés. Et je pense que ça aussi, c'est la clé d'une reconquête. La reconquête économique, elle passe par là, en tout cas. Moi, je voulais donner, par exemple, pour revenir sur mon exemple, je trouve qu'une des meilleures armes de l'anti-France, aujourd'hui, c'est la musique. Et on a vraiment l'impression que dans le champ musical, ce qu'on entend, c'est oui, on est tous. Enfin, c'est une impression hein, générale. Oui, on est tous égaux, on est tous pareils. Oui, on a tous droit. C'est vraiment, on a le discours de gauchiste qui est martelé tous les jours, tout le temps. Donc, franchement, je trouve que mener la bataille avec les armes du système, ça peut être un moyen efficace de reprendre le dessus. Mais aujourd'hui, tu sais très bien que, par exemple, sur YouTube, tu vas être cantonné, ils vont commencer, c'est-à-dire, toi, tu vas diffuser un message, ils vont repérer le message que tu diffuses, et puis, tu vas être cantonné qu'à ce contenu, et en fait, finalement, tu vas être isolé, quoi. même dans YouTube, ils arrivent à créer l'isolation, quoi. Ouais, absolument. Donc, c'est là où c'est dur. Donc, il faut carrément, en fait, le problème, tu vas créer un site, ok? C'est un peu obligé, tu vois, avec les outils du système. Tu ne peux pas jouer, hein, je dis bien. Mais tu ne peux pas dire non, je prends plus, on fait plus les outils du système. Voilà, c'est du jour au lendemain, tu décides de créer un site. Il va y avoir 12 000 personnes sur ton site et puis c'est tout, quoi. Parce que donc, règles, il faut faire de la pub, quoi. Les règles du jeu changent en plus, hein. C'est en train de changer, hein, petit à petit. Hein, de, ah. Les règles sur Internet, je veux dire, je sais pas, ils parlent un peu de. C'est quoi qu'ils parlent de, enfin, une espèce de censure étatique. C'est un peu de ça dont ils nous parlent. Ouais, non, mais c'est leur idéologie, c'est tout. C'est, oui, il faut, oui. Voilà. Et eux, ils utilisent leur outil. Mais aujourd'hui, tu prends une imprimante, alors je sais pas, vous allez chez l'imprimeur, vous faites coller, prenez 30 post-it les patriotes, vous les collez trois quarts de le. Dans toutes les rues où vous passez, vous ferez plus de pubs que en créant juste un site internet, quoi. Ouais. Alors, excusez-moi, je prends la parole. Après, je vous laisse, le mec. Et Topaz, je voulais savoir. Oh putain, mais c'est incroyable. Dès que je prends la parole, je sais plus ce que je voulais dire. C'est grave quand même. Ça, c'est dommage. Bon, alors. Oh putain, il va falloir que je ferme ma gueule. Bon, mais j'ai oublié, les mecs. Excusez-moi, je me tais. Putain, j'avais deux trucs à dire. C'est incroyable. C'est parti. C'est fou ça. Ah oui, ça me revient. Et Topaz, tu pourrais pas nous faire gagner le livre de Conversano, tu pourrais pas nous faire un tirage au sort? Ça, c'était une première question que j'avais. Ça serait chouette. Parce que quand on parle d'économie, c'est aussi peut-être faire des passerelles. Hein, quand les mecs poussent à peu près dans le même sens. Tu vois, ça, c'est chouette. On peut offrir un bouquin. J'avais cette question. Et sinon, l'autre... elle est partie. Bon, je vous remercie. Je vous écoute. Merci. Ciao. Okay. Vas-y, Bastos. Bah non, bah du coup, il te posait la question à toi, hein, le tirage. Oui, bah, le livre, j'en ai pas. Peut-être s'il revient, Daniel, je lui demanderai. Mais j'en ai pas d'autre que celui exemplaire qu'il m'a donné. Mais après, on va. Vas-y, non, je disais que, ouais, alors je comprends l'avis de VV, je comprends l'avis de Pierre. Je vais pas mettre encore. Bon, dans les chaussettes, mais c'est vrai qu'il faut. Alors, je comprends, c'est vrai que passer par les arts, c'est vrai que c'est hyper important, ça permet de faire passer plein d'idées. Mais on est toujours encore dans la religion du gauchisme, hein. On l'a vu avec Faudel, on l'a vu avec Doc Génico, avec Sardou. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, on disait Sardou, facho, salaud, qu'il est pour la peine de mort, etc. Je pense que tous les anciens s'en rappellent encore. Et c'est problématique. Il faudrait que, en fait, ça dépend. Ça peut-être, enfin, je sais pas. Je me dis peut-être ça ne dépend pas de nous. Ça dépend peut-être des dirigeants, des PDG de chaîne ou des PDG de TF1. Alors Canal+, n'en parlons pas. Voilà, ça va être blacklisté direct. Hein, donc, là, c'est un peu. Vous vous rappelez Jean Rouca, voilà, qui avait dit. Enfin, qui a montré son soutien à Jean-Marie Le Pen, bon, bah, blacklisté. Il y avait aussi un autre acteur, j'ai oublié son nom. Oui, mais ça, justement, mais on le sait, c'est une évidence. Celui qui affichera un soutien quelconque à une vision nationaliste dans les grands médias, il ne fera qu'une fois, il sera immédiatement dégagé. Donc moi, je parle plutôt de nous à notre niveau, sans se soucier justement des grands médias. On n'en a rien à foutre. C'est-à-dire, si on commence à se soucier de ce que vont penser les grands médias ou vont penser les gens des actions, on ne mènera aucune action. Et moi, je demande, c'est plutôt comment mener des actions, quel genre d'action, voilà, les axer sur un projet qui soit économique, etc., plutôt social, plutôt les deux. C'est un peu ça, quoi, plutôt le propos. Alors, mais comme t'es pas l'a dit, restons à notre niveau. Voilà, restons humbles. N'essayons pas de changer la France avec nos petits bras musculeux qui sont à peine forts pour nous porter nous-mêmes. Techniquement, comment on peut faire? Éventuellement, se regrouper avec des gens qui ont à peu près le même point de vue et certaines compétences, et dire voilà, eh bien écoutez, on va acquérir un bien. Sur ce bien, on va y développer une partie de logement pour nous, puisque c'est nous qui mettons l'argent dans cette société civile immobilière, par exemple, pour lui donner un statut juridique. Et au travers de ça, nous allons créer aussi, à côté, on va développer une économie, parce qu'on est dans une zone, dans un village, dans une zone où il n'y a plus de traitement de boulot, et on a des gens ici qui sont compétents pour faire des boulots d'électricien, de maçon, etc., qui vont pouvoir d'ailleurs retaper pour partie le bâtiment qui est acheté et en même temps développer une économie locale, faire revivre un tissu économique. Et puis, par la suite, sur ces bâtiments-là, pourquoi ne pas dire, ben, tiens, nous allons accueillir des gens, des jeunes, pour faire découvrir, par exemple, des process de permaculture ou des sites historiques ou éventuellement accueillir des séminaires. Voilà, il faut étudier des projets. Voir les compétences des uns et des autres, ce qui peut être fait, combien ça peut coûter, chiffrer, et puis là, partir de cet embryon-là, se développer et reconquérir des territoires qui sont un petit peu à l'abandon et qui sont accessibles financièrement. Voilà, ça c'est intéressant. Ouais. Quelqu'un veut rebondir, Bastos, vas-y. Voilà, on est clairement d'accord. Après, voilà, il faut faire de la prise de l'information, pour savoir qui est dans telle ou telle région, le nombre, parce que aussi, est-ce qu'on arrive réellement à se recenser? C'est ça aussi la grosse problématique de notre mouvement, c'est qu'on est anonyme, ok? On se cache, on va pas se mentir, bon, t'es un de nos représentants, mais je veux dire, sinon nous on se cache, donc c'est dur de recenser les gens, c'est dur de dire je vais monter un projet dans ça, vous me rejoignez, finalement tu te retrouves qu'à trois. Parce que souvent, c'est le cas, Pierre. Hein. C'est ça, la problématique. Mais même à trois, pourquoi essayer de tout de suite viser du gros? On peut éventuellement partir de petites cellules, c'est ce qui était dit tout à l'heure. Des petites cellules, comme les gauchistes, finalement. Puisqu'on l'a dit en début de débat, les ZADIS, c'est des petites cellules qui se sont agglomérées. On peut très bien démarrer avec une petite cellule. Si ça fonctionne, pourquoi pas dire, bah, regardez notre exemple, ça marche. Venez, les gars, à côté, il y a une autre... Naturellement, une autre, ça attirera les gens, en plus. Oui, ça attirera. Naturellement, il y aura d'autres gens, si ça marche. Ouais, l'exemplarité, c'est le but, quoi. Quel but, quoi. Que faire? Ah, mais il y a plein Vas-y, Pierre. Ah, la permaculture, d'accord. Okay. Il y a plein de choses. Je suis assez d'accord avec Bastos, parce que cette proposition-là, elle a été faite maintes et maintes fois. Mais c'est vrai qu'on se connaît sur Discord parce qu'on parle pendant des mois et des mois. C'est intéressant. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais on ne sait pas où on habite, qui serait capable de faire ces choses-là réellement, tu vois, dans le réel, de prendre sa bagnole, d'aller là-bas, de, tu vois, c'est, et je pense que finalement, on se rendrait compte qu'il n'y aurait pas grand monde, quoi. Je suis assez d'accord avec toi, ça. Juste moi, si je peux répondre sur moi, bon, je suis quand même optimiste, tout ça. Après, on est dans un début de mouvement. Il faut pas qu'on l'oublie, ça. Il faut pas qu'on se dise, ça fait déjà 40 ans qu'on est en train de penser comme ça. Non, ça fait même pas 10 ans. 10 ans, c'est voilà, on est sur une décennie. Allez, un peu plus, mais on va dire réellement les mouvements qui commencent à se mettre en marche, ça fait à peu près 10-12 ans. Donc, on est au début de quelque chose. Maintenant, je rejoins tout à fait l'analyse de Pierre, et oui, commencer par des petites cellules. Mais même encore ça, c'est pas simple. Mais il faut le faire, quoi. Ben, c'est une solution qui permet finalement. Alors attention, encore une fois, c'est une cellule de 2-3 personnes. Ça peut démarrer sur un petit truc, ou même éventuellement à l'échelle d'une famille, parce qu'on est toujours à regarder un petit peu les individus qu'on a à côté, parce qu'on a les mêmes pensées. Éventuellement, aussi au sein de sa famille, on peut éventuellement dire, ben, c'est un projet familial de s'expatrier de la ville citadine, et puis d'essayer de reprendre un boulot ailleurs, un peu plus dur, parce que physique peut-être, et puis moins payant, mais peut-être plus enrichissant pour la vie et la vie de sa famille. C'est aussi une réflexion qu'on peut avoir individuellement pour sa famille, pour sa cellule familiale. Et après, l'histoire de partir en groupe, oui, effectivement. Alors, on a énormément de débats sur toutes les plateformes, des débats métapolitiques, etc., philosophiques. Mais il y a un moment, on peut très bien aussi s'aborder en disant, bah, tiens, t'as quoi comme compétences professionnelles? Tiens, c'est intéressant. Est-ce que t'as déjà pensé un petit peu au projet qu'on avait un petit peu discuté? Ouais, ça t'intéresserait? Est-ce que t'aurais les moyens financièrement? Et puis, on peut aussi, de temps en temps, revenir à quelque chose de très terre à terre, parce que c'est finalement ça ce qu'on cherche vraiment dans notre vie, c'est d'être réenraciné et puis de vivre correctement et bien. Et il y a des moments où il faut se poser les questions les uns les autres, et en toute franchise. Et même pour l'éducation des enfants, je rajouterais, qui permet de justement éduquer un enfant dans un groupe sain, quoi, qui pense comme nous, quoi. Tout en restant ouvert. Parce que effectivement, si on si on commence à mettre politiquement des choses en façade, je vais prendre l'exemple qu'on connaît tous un petit peu, qui est médiatisé au sein de la droite, c'est les gens c'est les brigandes. Enfin, les brigandes, etc., qui font un petit peu une vie en communauté, alors sectaire, pas sectaire, selon tel journal, selon tel Rivarol, etc., ou pas, on s'en fout. Mais on voit que ces gens-là, finalement, tu vois, dès qu'ils mettent un petit peu le côté politique en avant, ils se font taper par tout le monde. Si ces gens-là n'avaient pas mis le côté politique en avant et qu'ils étaient restés, je vais dire, plutôt sous les radars, c'est des gens qui, aujourd'hui, ont un système qui fonctionne. Bon, pour revenir sur... Je suis toujours avec mon truc de bar, mais ça, c'est un très bon exemple de comment tu peux gagner les esprits avec de la musique. Bon, après, moi, c'est pas trop ma tasse de thé, les brigands, mais je crois que ça a un certain succès, et c'est ça qui dérange au final. Bon, mais au final, il y a un prix à payer pour regagner, on va dire, les esprits. Il va falloir s'investir dans ce champ-là. Moi, je trouve que Leur exemple, il est parfait dans ce que j'essaie d'exprimer. C'est des gens qui font de l'art politiquement incorrect et qui est fait pour les masses. Et ça marche, plus ou moins. Ouais, mais alors, c'est ton plus art ça, fait c'est pour plus les masses, ça qui se il passe qui dans font, les médias de masse, dessus, Julien, chose, hein. Il passera pas. S'il n'y avait pas le côté artistique, on va dire. Bah, écoute, les chansons un peu. Ce que je veux dire, Juvin, c'est que ton art pour les masses, il ne passera que dans des médias de masse. Donc, par définition, en plus, on parlait de modèle économique, précisément pour un artiste, ce qui rapporte de l'argent, c'est les droits d'auteur, et donc c'est passé dans ces médias-là, ou alors vendre des supports, mais ça aussi, ça nécessite de passer dans ces médias parce que les publics qui achètent les supports sont les publics qui regardent justement les grands médias et pas les publics qui vont sur Internet. Donc finalement, c'est un peu une impasse économique, même si ça agit sur la culture. Pour que c'est un réel impact, comme toi tu l'entends, il faudrait que ce soit dans les médias de masse eux-mêmes, ce qui est proprement impossible. Moi, je pense... Alors, ok, mais il y a un facteur que tu ne prends pas en compte, c'est qu'il y a une demande, et cette demande, elle est forte, et elle n'est pas... On donne pas, on va dire, putain, j'ai le mot en anglais, on n'est pas en train de fournir à cette demande ce qu'elle veut. Je pense qu'il y a une énorme demande, les gens en ont marre. Non, mais ça, on est bien d'accord. Non, mais ça, donc, ça, je m'entends. Du coup, ça ouais, mais ça, demande, c'est le truc, c'est il peut y avoir cette demande-là. Mais autant, même s'il y a cette demande-là, tu sais, le facteur économique, tu sais, j'ai compris qu'une chose, par exemple. Tu sais, d'un point de vue de ces grands géants qui font le jeu de l'industrie, que ce soit sur le net comme les GAFA ou dans l'industrie musicale avec les grandes majors du secteur, ce sont des gens qui feront de toute façon passer l'idéologie au-dessus des impératifs économiques. C'est-à-dire que l'économie s'en fout, ils ont déjà tout, ils sont déjà en maître. Donc, pour eux... ils ne feront pas rentrer, tu vois, dans la bergerie, c'est-à-dire que quand bien même il y a cette demande, ils ne créeront pas ce marché par idéologie. Et ils ne le feront pas. Moi, je pense qu'il y a un contre-exemple à ça, c'est Éric Zemmour. Et le fait est que Éric Zemmour passe dans les grands médias parce qu'il vend et qu'il est populaire. Ah, mais alors, Éric Zemmour, il cumule d'être de la bonne communauté et d'être déjà du sérail, entre guillemets. Et quand tu me dis « il passe partout », c'est aussi à relativiser parce que depuis qu'il a radicalisé entre guillemets son discours, il est plutôt boycotté, Éric Zemmour. Il passait, oui, du temps à l'époque chez Ruquier qui a quand même affirmé qu'il regrette de l'avoir laissé cette tribune qui d'ailleurs lui a donné beaucoup d'écho à l'époque, tu vois. Ça, donc, mais c'est le livre se vend à 100 000 exemplaires et plus. Oui, bien sûr. Ah mais bien sûr. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose, il y a une brèche qui est en train de s'ouvrir. Moi je le crois vraiment. Oui, mais c'est pas concret ce que tu me dis. D'accord, on est d'accord, ouvrir des artistes, mais les artistes, tu sais, pour faire un album, ça coûte de l'argent. Ensuite, un artiste, il doit vivre, parce que tu sais, c'est bien beau de vivre d'amour et d'eau fraîche, même quand tu vas faire des millions de vues, si ça te rapporte rien. C'est bien beau, mais tu vois, tu vas devoir aller travailler quand même avec tes millions de vues. Donc c'est ça qui est, moi je veux parler concret, je veux parler économie, parce que c'est lié au projet et c'est lié à sa réussite. Parce que faire des trucs pour dire oui, on va bouger les esprits, c'est bien beau, mais il faut que les gens derrière ils aient un intérêt économique à le faire. Moi, je vais juste apporter une petite précision tout à l'heure sur l'exemple que j'ai cité des brigandes. Je vous rappelle que pour tenir le choc économique, ils ont pour partie apparemment quelqu'un qui les subventionne, un mécène, et d'autre partie, ils ont un autre groupe. Ils font de la chanson sur une autre identité qui est beaucoup plus ouverte, et ils ne reprennent que des tubes des années 60, 70, 80. Hein, donc ils ont bien deux activités, une activité militante sous la forme de Nom des Brigandes, qui effectivement fait le buzz sur Internet et qui atteint une certaine partie de la droite, mais pour pouvoir subsister, ils sont quand même dans l'obligation d'être des gens lambda afin de pouvoir vivre. Ah ben merci de la précision, Ils font voilà. bien plus de choses que ça aussi, hein. Ils font Bien de sûr, ils écrivent des bouquins, la etc. Oui. peinture, la sculpture, mais ce que je voulais dire, c'est que tout simplement, encore une fois, le nerf de la guerre, ouais, c'est l'argent, quoi. Bah bien sûr. Tout simplement. Bah c'est pour ça que je ne veux pas, si tu veux, s'épargner de la question économique, parce que je trouve que dans l'idée, à chaque fois, de faire des projets et de se réunir sur un objectif social qu'on partage, on omet les questions économiques, alors que ça devrait être le centre aussi important en fait dans le projet, quoi. Et que ça devrait être ça, même le moteur. Parce que reprendre le pouvoir, c'est reprendre le pouvoir économique, à mon sens. Et que c'est là-dessus que les marxistes se trompent, qui disent faut couper du système, machin. Non, c'est plutôt revenir pour à la fois être suffisamment autonome, mais suffisamment dans le système pour que tu pèses aussi dans ce système à ton tour. Ouais, mais dans ce cas-là, voilà, c'est que le projet que tu proposes, il soit béton et que ça rapporte du pognon pour que tout le monde puisse vivre, voilà, au minimum syndical. Et ça, c'est pas gagné, quoi. Tu vois. Bah, c'est-à-dire que si le projet, si tout le monde l'étudie, met la main à la pâte d'un commun accord avec des tâches bien réparties. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait un esprit militaire, hein, bien bien au contraire. Un esprit franchouillard et démerdard, ça marche toujours beaucoup mieux. Si tout le monde joue le jeu, ça ne peut que fonctionner, parce que de toute manière, notre système social, enfin notre système européen, a fonctionné comme ça. Donc, si les gens sont d'accord et qu'ils partagent déjà les mêmes idées et que quelque part t'es investi dans ce projet parce que t'as mis des ronds de ta poche, forcément, il faudra que ça marche. Tu sais, il y a des entreprises qui fonctionnent en scope, hein, et c'est tout le monde est patron et tout le monde joue le jeu. Alors, ça, c'est pas ce qui fait la majorité des entreprises en France, mais pourquoi pas essayer un petit peu de s'inspirer de cet esprit de scope pour pouvoir développer justement des entités un petit peu patriotes, nationaux, ouvertes un peu à tout le monde, et qui puissent vivre non pas en autarcie, mais vivre pour partie bien grâce à une production qui est faite par eux, et puis à côté développer quelque chose d'économique, parce que tu ne feras rien sans attirer d'autres personnes, sans développer d'autres process. Au bon sens de ce que Soral il a mis en place, un truc comme ça. Mais après, c'est une histoire aussi de confiance, quoi. Regarde, moi, je suis en Picardie, je sais pas où t'habites, on se connaît sur le net, on se connaît pas, quoi. Tu vois, c'est très compliqué, quoi. Tu vois, c'est comme le France Village de Rivaldi, tu vois, c'est compliqué à mettre en place quelque À la différence que le France Village de Rivaldi, il n'y avait pas de projet économique. Tandis que ce que TEPA avait un petit peu élaboré, c'est pour ça que moi, j'ai un petit peu réfléchi à ce que TEPA avait dit. chose. Ça me paraît intelligent de dire il faut développer un système économique à côté. Et effectivement, et encore une fois, mais ça peut être un petit projet. Ne voyez pas grand. Tu peux très bien trouver, toi, Martin, quelqu'un qui serait proche de la Picardie ou éventuellement proche de toi avec qui tu t'entends bien sur ce Discord. Et ben maintenant, il n'y a rien qui vous interdit de vous contacter à côté et puis d'en discuter, mais beaucoup plus profondément. Parce que forcément, tout ne regarde pas tout le monde, quoi, tu vois. Ouais, tout à fait, non, j'entends, Et puis éventuellement, si vous le faites revenez nous partager votre expérience et nous dire, bah voilà, on a eu ces points-là, etc. En partant sur des petits projets, et même assurer votre coup en disant, bah on va tenter un truc. Et puis si ça marche pas, il faut pas qu'on perde toutes nos billes. Donc c'est de la réflexion à avoir. Et puis il y a des gens aussi ici qui peuvent peut-être vous aider intellectuellement. Enfin, intellectuellement, je vais pas dire que vous êtes chez Bébête, hein, bien entendu, mais juridiquement ou intellectuellement ou par expérience, et vous dire, bah c'est ça aussi un petit peu l'entraide nationaliste. C'est de vous dire, bah regardez, nous, par rapport à notre savoir au niveau juridique, etc., on vous conseille plutôt de partir sur tel type de société ou tel type de formation, SCI ou autre, que sais-je. Enfin, voilà, j'essaie de donner des grandes largeurs, des grandes idées. C'est ça aussi un petit peu le but de ce Discord, à mon avis, et ne pas faire que de la métapolitique. Ah, moi, je suis d'accord. Je suis quand même jusqu'au boutiste. Justement, si tu parles du maraîchage et compagnie, moi, je l'ai fait pendant un an et demi. C'est carrément mettre des billes de côté pour faire un projet national avec... Sur une base de confiance, sur des mecs aussi qui tapent un peu dedans et faire une cagnotte pour penser à construire quelque chose. Mais tout ça, ouais, ça se réfléchit sur. Ça se réfléchit, ouais, ça peut être une idée. Ouais, ça peut être une idée qui m'intéresse. Ouais. Non, mais de toute façon, on est sur un démarrage. Il ne faut pas oublier qu'on est une jeune. On est une nouvelle génération aussi. Alors, oui, là, il y a. Il y a un peu des plus anciens, mais voilà, il faut pas oublier. Merci. Que le mouvement de rien. Mais non, mais c'est bien, puisque justement, c'est ce que tu vas nous donner des forces, tu vois ce que je veux dire, dans le sens, vous avez plus de vécu et il faut apprendre de tout ça, parce que la peur de l'échec, aussi, c'est une problématique, parce que on peut échouer et généralement, on a plus tendance à échouer que de réussir, mais il faut pas se braquer là-dessus. Tout est un éternel recommencement. Et il faut avancer. Et je pense aussi que notre gros défaut et notre force en même temps, c'est qu'on est plein d'énergie, mais on est jeune. Donc il faut que aussi on arrive à une maturité. Et je pense que ça va se faire dans les années qui vont suivre. Et tout ça va se développer très bien, quoi. Mais ça, il faut pas l'oublier qu'on est aussi des jeunes, quoi, tu vois. Donc on n'a pas économiquement, on n'est pas tous ultra riches on commence notre vie et c'est bien qu'il y ait des mecs plus anciens et allez maintenant il faut qu'on se bouge, qu'on se monte économiquement et c'est ça va donner des ailes à tout le monde, quoi. Alors après, soyons aussi intelligents que les gauchistes, profitons du système et des aides potentielles, réfléchissons à des cibles qui peuvent permettre d'avoir des subventions. Il faut aussi être aussi intelligent. C'est pour ça qu'on peut pas se lancer du jour au lendemain comme ça. Mais encore une fois, agglomérer des cellules, penser à des réflexions, faites un petit peu un bilan de compétences chez vous, de votre propre point de vue à vous sur vos compétences. Et puis par rapport à ça, mettez-les en commun avec les gens qui sont prédisposés à vouloir faire un projet. Et puis dites, ça complète, ça match. On ferait une bonne équipe à deux. Qu'est-ce que t'en penses éventuellement? Et voilà. Je sais pas, qu'est-ce que t'en pensais pas. Ah, mais moi je pense que c'est la bonne voie. Ce que tu dis est la bonne voie. C'est-à-dire d'être au début peut-être sur des petits projets, des choses qui soient accessibles, pas forcément des trucs énormes. Et ensuite, via toute cette mise en place d'un réseau, peut-être les choses pourront aller vers des choses de plus en plus importantes. Mais l'important, c'est de pas négliger à la fois... C'est vrai qu'aussi, il y a une dévirtualisation à mener, c'est-à-dire que à un moment donné, Internet est un super outil, c'est vraiment génial qu'on puisse tous communiquer les uns les autres, mais rien ne remplacera évidemment à un moment donné le contact physique, ça restera la clé pour pouvoir lier véritablement les personnes, et pour le coup, il y a quand même... Vous imaginez toute cette énergie, tous ces cerveaux, toute cette motivation, et ben tout ça qu'il faudrait canaliser dans un truc, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois la chose, quoi. Rien ne nous empêche effectivement, éventuellement, de mettre en place des rencontres. Alors peut-être pas par région, mais peut-être directement. Alors je sais bien que pour les gens du sud, remonter, il faut peut-être trouver un juste milieu dans toutes les directions, nord-est, sud-nord, etc. Pour se rencontrer, peut-être tous ensemble un jour. Et puis en discuter. Dire on passe un week-end sans faire de folie, hein, bien entendu, mais en disant voilà, on organise un truc, quelqu'un se dévoue pour organiser dans un hôtel une réception, etc. etc. On met un petit peu des ronds tous chacun, et puis voilà, et puis on peut démarrer comme ça. On peut déjà le faire virtuellement, et puis éventuellement, quand tous les gens sont vraiment bien motivés, on passe à quelque chose de plus concret, on se rencontre, et puis on peut à ce moment-là, en ayant déjà eu des bases et des fondations de projet, dire bon ben voilà, qu'est-ce qu'on en pense, et puis on y va. Par contre, au niveau du voyage, aujourd'hui en France, pour des mouvements comme nous, ça coûte rien. Je dirais un covoiturage, 4 personnes dans une bagnole pour faire 800 bornes, ça va te revenir à 40-50 € par tête. Donc, on va pas se mentir, on peut se déplacer, quoi. À un moment donné, on peut, tout le monde peut se déplacer là où il a envie. Maintenant, bien sûr, on a nos boulots, donc ça, faut prendre ça en compte. Mais je veux dire, se déplacer, se rassembler, c'est pour moi, normalement, c'est ce qu'il y a de plus simple, tu vois. C'est ça, on peut très bien le faire et très et même très rapidement, quoi. Moi, un sujet que j'aimerais lancer aussi, et que enfin, c'est juste quelque chose que je trouve dommage. Je sais pas si c'est vraiment une priorité, mais c'est un petit peu la guerre des chapelles entre les chefs. Et je trouve qu'il y a une propension à vouloir genre clasher l'autre quand on n'est pas d'accord sur des petits points. Je regarde les vidéos de Jean Robin des fois, je me dis mais c'est ahurissant. Il prend. Alors lui, il se fait tout le monde de la dissidence, tout le monde. Ah bon, je pense que voilà, il était passé sur la caserne. Ça s'est mal passé. Mais alors justement, Juvin, moi, je ne veux pas rentrer dans les clashs. Je veux pas rentrer dans les petites guéguerres inutiles, stériles et qui pour moi ne font pas progresser la cause. Je préférerais largement qu'on échange sur. Comme un brainstorming d'idées intelligentes plutôt que encore alimenter, si tu veux, ce feu des clashs et des guéguerres. Moi, je suis au-dessus de ça et franchement, j'ai pas envie d'alimenter ce truc-là. Et c'est là-dessus que je trouve, franchement, que ton combat et tout ce que tu fais, c'est très honorable parce que tu rentres pas dans ces trucs-là et tu donnes la parole à tout le monde dans le calme, la sérénité. Et franchement, là-dessus, c'est... Tu es peut-être le seul à qui je peux dire ça, quoi. Parce que c'est vrai que c'est. Enfin, là-dessus, je voulais juste te dire ça, quoi. Moi, là où je voulais vraiment arriver, c'est qu'il faudrait établir peut-être à un moment une espèce de paix des braves. On se dit, voilà, maintenant on a des objectifs communs. On peut définir plus ou moins quel est le plan d'action. Oh, moi, j'y crois plus à tout ça. Tu sais. Ne voyez pas trop grand. Bah oui, ça sert à rien. Il faut faire les choses avec les gens avec qui tu te sens bien, les gens à notre niveau, etc. Faut arrêter les grands trucs de toute façon de dire on va tous se réconcilier sous la grande bannière, etc. Ça ne se fera pas. Si ça avait dû se faire, ça aurait dû se faire déjà il y a plusieurs années quand c'eût été possible de le faire à l'époque. Mais maintenant c'est terminé. Je pense qu'on est dans une autre ère, une autre phase. Qui est la phase de la base, c'est-à-dire c'est vraiment le mouvement de fond maintenant des gens et de leurs aspirations profondes qui va remonter à la surface. Moi c'est comme ça que je le vois et justement l'ère des entre guillemets des grands gourous qui donnent la bonne parole comme une prêche que tout le monde doit suivre, ça c'est terminé. J'y pense plus. Ça je vraiment. Et puis aussi les grandes paroles. Et puis qu'il n'y ait aucun acte derrière aussi, c'est beaucoup ça aussi. Aussi, très important, t'as raison Martin, il faut aussi rentrer dans l'ère de l'action. C'est-à-dire que effectivement le constat et la parole, elle est bien avancée. Tout à l'heure, comme tu disais, Juvin, il y a une demande, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens en attente. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie comme ça, de gens qui ont envie, qu'ont vraiment la motivation de pouvoir faire les choses, qu'ont certainement des capacités, et comment, si tu veux, mettre tout ça en branle, comment réussir à coordonner tout ça, comment réussir à ce que justement on passe de la théorie à la pratique, c'est-à-dire là, de la parole à l'action, quoi, clairement. Bah, pour ma part, il faut qu'on sorte de l'anonymat, Tepa. C'est-à-dire, à un moment donné, alors sortir de l'anonymat, c'est pas d'aller voir chaque individu dans la rue et dire « Ah, je suis nationaliste ». C'est pas ça, sortir de l'anonymat. C'est, par exemple, on monte, je sais pas, bon, je sors une idée là, comme ça, Ah chaud, mais tu fais une application sur téléphone dans une région un peu trouve ton asio, tu vois, ou un truc comme ça, où ben voilà, tu mets ton nom, ton prénom, tout simplement. Ça, c'est sortir de l'anonymat parce qu'on vient sur une plateforme et tout. Et voilà, on se donne rendez-vous à tel endroit. Bon, après, c'est sûr, il faut pas choper des guet-apens. Hein, mais bon, bref, c'est voilà, à un moment donné, il faut qu'on arrive à sortir de cet anonymat, je pense, du net, quoi. Qui est quand même un poison pour nous, quoi. C'est un poison. C'est tout simple, hein, messieurs. Hein. Enfin, un truc. C'est tout simple. C'est facile à dire. Prenons un salon projet, hein, créons un salon projet dans la caserne de TEPA et connectons-nous avec nos vrais noms, tout simplement, dans cet endroit-là où on veut vraiment discuter. Et puis c'est tout. Il y a un moment où, soit effectivement, puisqu'il y a une charte ici qui nous tient légalement, soit on arrête de tenir des discours, alors, métapolitiques, comprenons-nous bien, métapolitiques chatouilleux, et on arrête les attaques qui pourraient nous porter préjudice judiciairement et légalement, et puis on dit, ben, on fait tomber les masques, et puis maintenant, en agissant avec nos propres identités, nos propres noms, etc., ne cachant plus nos identités, puisque dans cette démarche-là, on est dans une démarche de construction entre nous. Je pense que si on cadre ça correctement et légalement, on peut pas être attaquable, puisqu'on ne fait rien de mal, si ce n'est qu'un regroupement de gens qui ont un projet commun de construction et de projet professionnel. Et puis voilà, tout simplement. Et pour compléter ça, pour vraiment protéger quand même les personnes, parce que bien sûr, voilà, ça, il y en a certains qui vont en profiter de ce dévoilement. Au préalable, faire une rencontre IRL, et une fois que cette rencontre IRL est établie, à ce moment-là, tu mets ton nom sur ce channel-là, comme tu l'expliques, Pierre. Et là, en l'occurrence, tout le monde se protège quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on dévoile son visage, on peut subir des persécutions, il ne faut pas avoir peur. Hein. Ce qui nous attend, c'est dans un premier temps, on peut subir des choses, quoi. Mais c'est pas grave. Comment, on peut aller de l'avant. Comment tu peux, excuse-moi Bastos, comment tu peux avoir des persécutions si dans le discours que tu tiens, dans le projet que tu tiens, il n'y a rien d'attaquable, enfin, il n'y a pas de propos ordurier, antisémite, raciste ou autre. Je veux dire, voilà, c'est tout simple. Ils peuvent identifier un groupe, je veux dire. Non, oui, mais bon, après, moi, je suis peut-être un peu dans... On est un peu trop parano aussi. Voilà. On est un peu trop parano aussi. Mais il y a un moment, bon, je sais pas, moi, au bout de 15 jours, j'ai donné mon identité réelle à TEPA. TEPA connaît mon identité réelle. On peut très bien fonctionner comme ça. TEPA peut très bien faire un filtre. Et dire, bon, ben voilà, ce gars-là, d'après ce que j'ai vu, etc., par rapport à ce qu'il m'a donné comme élément, c'est un mec qui a des capacités qui est valable, on peut éventuellement l'intégrer dans ce groupe ou dans ce salon-là, voilà, tout simplement. Ouais, par exemple. Déjà préfiltré comme ça. Mais bon, tu peux très bien faire une rencontre avant, oui, tu vois, je veux dire, moi je pense que c'est même plus intéressant. Voilà, je veux dire, bon, on arrive à une époque de l'année où c'est bon, il va faire 40 degrés dans toute la France, enfin surtout dans le sud, mais voilà, il y a moyen de faire des rencontres là d'ici là et commencer ses premiers. Tu vas faire chaud, il va faire moins 20. Dans le sud, t'es où, dans le sud-ouest par exemple? Ouais, enfin, on le dira pas à l'antenne, on le dira pas. Moi je suis en Picardie, tu vois, on se parle sur Discord là, on échange. On va se rencontrer où Martin, je dis une bêtise, ok. T'as un moyen de nous accueillir, par exemple, dans ta région? Je sais pas. Ouais, genre que 4 personnes pour un petit week-end, genre on met des matelas au sol et on dort dans ton salon. Donc, je sais pas, on va chez Val, elle a dit qu'elle avait une grande propriété, tout le monde vient avec des tentes, on va chez ça rentre. Non, mais je comprends pas, tu proposes de faire une Z, Bastos? Non. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très simple, ok? À un moment donné, on se donne des faux problèmes. Tu prends 4 bonhommes dans une bagnole, tu fais de haut en bas de la France, ça te coûte 50 balles, ok? Donc, à un moment donné, je pense qu'ici, on a tous à peu près entre 20, 30 ans et pour les plus anciens, désolé. mais on peut un petit peu filer 50 balles. Mais justement, commencer une première rencontre, c'est déjà quand même le principal, Martin. Toi qui réclames justement le fait de voir les gens parce que t'aurais un manque de confiance par rapport à Internet. Ah, mais dans nos régions, quoi, faire, tu sais, dans le local, quoi, vraiment dans le local. Ah, mais après, le projet, que... ça se discute. Moi, j'en sais rien. Mettons, je sais pas, toi, dans ta région. Par exemple, je vais pas descendre à Nice tous les. Je t'ai pas dit ça, Martin. Mais je t'ai pas dit ça. Ce que je te dis, c'est qu'après, une fois qu'on s'est rencontrés, une fois, deux fois, j'en sais rien, et qu'on sent qu'il y a une confiance qui peut s'installer, parce que tout se base, bien sûr, sur la confiance, mais il faut pas. Voilà, c'est. Il faut pas avoir peur, il y a des gens qui vont peut-être nous décevoir, ça s'appelle l'être humain aussi, on reste des humains. Mais avant tout, c'est, il faut créer cet état d'esprit de confiance. Et je pense que c'est là l'important. Et ça abattra toutes ces chapelles. Parce qu'à un moment donné, ce qui manque entre toutes ces chapelles, c'est qu'on s'isole dans des groupes. Et en plus, on n'a même pas confiance, des fois même dans notre propre groupe, quoi. Donc avant qu'on soit tous unis, ça me fait rire. Bah oui, c'est pour ça que dans la lucidité, moi, je trouve que c'est compliqué, quoi. Tu vois, il va y avoir 10 personnes au début, et puis finalement, juste avant de partir, tu vas te retrouver tout seul dans ta bagnole, et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, dans... Mais peut-être, mais tant mieux. Mais c'est le but. Dans la finalité, c'est le but, parce que tu auras vraiment les gens motivés. Tu comprends ? Ah ouais, je vois. Pour mener un projet à bien, pour aller d'un point A à un point B, monter des équipes à la... Monter à la papacito qui est vraiment à la mode aujourd'hui dans la dissidence, ça n'est pas non plus que monter des équipes avec des mecs qui vont se mettre du noir sur la tronche et qui vont tout s'armer à fait comme tout à fait. En plus c'était ça l'esprit de son truc, hein, monter des équipes. Moi j'aime bien cet esprit de dire Valéa, montez des équipes, quoi, réunissez-vous, dévirtualisez-vous, rencontrez-vous, faites des projets ensemble, serrez-vous les coudes, parce que il faut former un groupe uni, quoi. Clairement. Moi, je trouve ça très bien. Franchement, la démarche est très bien. Et Martin, à ton échelle, tu vois, le maraîchage, puisqu'on sent que c'est le truc qui te touche, pourquoi pas essayer de trouver quelqu'un qui te file un coup de main, pour pas que ça te coûte trop cher. Un jardin ouvrier, j'en ai déjà un petit peu parlé. Un jardin ouvrier, vous faites une petite production, une partie pour vous, une autre partie que vous essayez de revendre. Alors, plus ou moins légalement, je vous inciter à vendre légalement, c'est-à-dire à faire ça dans les règles de l'art avec une patente commerçante ou éventuellement en étant déclaré afin de payer bien entendu votre obol à l'État. Et puis avec ce véhicule, pourquoi pas viser un autre projet. Bah tiens, on a de quoi louer une deuxième parcelle dans le truc ouvrier sans que ça coûte des ronds fantastiques. Tu vois, pour le maraîchage, alors ça dépend où il est situé, hein. C'est sûr, faut pas non plus que ça soit trop éloigné d'une ville, par exemple. Mais tu peux ouvrir un petit resto pour utiliser tes propres produits. Du coup, tu démarres une production de zéro et la transformation, tu as le 100% dessus sur le produit. Donc, tu vois, il y a des alternatives. C'est-à-dire, il faut pas. Le maraîchage, c'est génial. C'est vraiment génial, tu vois, de faire ça parce qu'en plus. Nous, on a déjà le réseau, par exemple, ne serait-ce que pour vendre les légumes. Les gens qui peuvent les acheter, on leur donne rendez-vous, les gens vont l'acheter. C'est ça, ça fonctionne en réseau. Donc là, ça, c'est vraiment excellent, quoi. Merci. Mais il y a plein d'alternatives. Il faut pas juste... Des fois, il faut pas... je pense, quand on est dans une optique de création, bon, bah, là, maraîchage, il faut pas que tu restes cantonné juste à... juste à cette idée, il faut que tu diversifies tes actions. Parce que je dis ça, non mais tu sais, c'est une idée, parce que moi, bon, vous le savez peut-être pas, mais j'adore le maraîchage, moi aussi, j'en fais. Et en fait, je me dis, il y a tout un tas de produits en plus dérivés que tu peux faire après, qui découlent du maraîchage. Tu peux faire des confitures, tu peux faire, je sais pas, des sauces tomates, des machins, tout un tas d'autres produits que tu pourrais vendre, et tout ça se décline, voilà. Et là, tu fais, tu te fais relayer par patriote.info, mais tout à fait. Patriote, et t'as tous les produits qui sont présentés. Bio, made in France, fait par le truc. Moi, je crois à ça en plus. Hein. Je crois à l'achat, comment dire, que les gens, justement, se consomment en consommateurs, entre guillemets. Ils achètent quelque chose parce qu'ils savent en plus qu'ils consomment, mais qu'ils soutiennent réellement quelque chose. C'est un projet, on achète pour des valeurs. Et là, pour le coup, qu'on est justement dans un basculement total, dans tous les grands changements qu'on est en train de connaître dans la société, c'est évident que cet aspect-là va prendre une importance considérable. Donc vendre des produits qui sont attachés à quelque chose qui représente des valeurs, un combat dans lesquels les personnes peuvent s'identifier, c'est essentiel, essentiel. Moi, je trouve ça excellent. Moi, je trouve ça... Je trouve que c'est bien dit, je le rephraserai juste en disant aujourd'hui, la meilleure façon de voter, c'est en utilisant ton argent intelligemment. C'est, ça veut dire que si tu veux changer le système, ça va se faire par l'économie, et ça c'est un très bon point d'attaque. Tout, bah alors Stouff, je sais pas si tu veux rebondir, parce que ce que tu dis, c'est vrai, ça existe déjà. Hein. Moi, à titre personnel, je m'alimente en circuit court, ok. Donc maximum mes produits viennent de 150 km de rayon autour de moi, quoi. Bien sûr, pas je produis une frontière, mais que des produits français, quoi. Donc voilà, il y a une demande, hein, vous inquiétez pas, les gens veulent consommer français, quoi. Hein. Et là, on parle même plus de droite ou de gauche. Hein. C'est les gens en France veulent consommer. Ça va au-delà du clivage politique, dans le sens où t'as des associations comme, enfin, moi j'en ai une à côté de chez moi, Méga Alimentaire. En gros, ils mettent en association des producteurs. Bon, en gros, c'est comme une AMAP, mais associatif, quoi. Tout à fait. Et là-bas, tu trouves de tout. Tous les jeudis, t'as le petit marché. Le samedi, t'as le marché avec tous les gars du coin qui viennent vendre leur fromage. Donc c'est une espèce d'AMAP nationaliste, hein. C'est ça en gros que vous proposez. Non mais ça existe déjà, ça veut dire que contrairement, enfin, je sais pas si je peux, enfin si je peux le citer ici, mais il y a des gros trucs comme ça qui permettent de créer des coopératives et de rassembler le maximum d'agriculteurs qui font de la petite agriculture et des artisans fromagers, etc. quoi. Donc ça existe déjà, c'est en place, sauf que voilà, c'est pas notre idéologie qui met ça en place. Donc si tu veux, le financement, nous, de mettre en place ce genre de système économique va servir justement après à ce qu'on puisse financer nos projets politiques. Et c'est là où il faut qu'on se mette en route assez rapidement, parce qu'aujourd'hui la politique, ça permet de, voilà, il faut quand même une petite base pour faire avancer les choses plus vite, quoi. Voilà. Enfin, ma vie. Ouais, non, le message est passé. Le message est passé. Quelqu'un veut rebondir? Faites clignoter. Ouais, moi, allez, c'est Martin. Ce que j'ai toujours dit. Moi, j'ai toujours dit, c'est 50% du combat contre l'État, c'est revenir à la terre et faire le maximum pour ne plus acheter chez Leclerc, Carrefour et se nourrir avec ses propres aliments. Mais je me fie aux actes, moi. Je l'ai fait pendant presque un an, plus d'un an et demi, presque 2 ans. Et au début, on devait être à 4, on a fini à 2, et j'ai fini tout seul au bout de 3 mois, tu vois. Et la deuxième année, quand j'ai lancé le truc, je me suis barré en saison pour faire les vignes. 3 semaines après, il suffisait de récolter les pommes de terre, tu vois, et je me suis aperçu en revenant en octobre que les mecs, ils avaient même pas été chercher les patates, les radis, tout, ils avaient rien pris. Mais c'est un échec, Martin, t'as subi un échec. Ouais. C'est pour ça que je veux dire, moi, c'est les actes, tu vois, on parle beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de... On te promet rien ici, pour l'instant, Martin. Après, c'est... On est en train de développer des idées. C'est louable, hein, c'est positif, tu sais. Martin, t'as subi un échec, et pour l'instant, nous, là, ici présents, on est en train... de débattre sur des idées et de concevoir quelque chose. Mais on n'est pas dans une promesse en disant demain je vais venir avec toi planter des carottes. Ok. Pour l'instant, c'est pas le cas. On n'a pas discuté de tout ça. On n'a pas. Voilà. On est dans une projection. Voilà. Et donc toi, t'as subi un échec. C'est malheureux, mais n'en reste pas là. T'as les capacités pour recommencer. La première année, justement, voilà. Moi, je suis un gars de la ville. J'avais jamais été à la campagne. C'était ma première année. Et j'ai eu 80% de réussite, tu vois, j'ai mis 200 pieds de patates et compagnie, et j'ai mis des tomates, j'ai mis des navets, j'ai mis des potirons, des potimarrons, des citrouilles, j'ai mis de l'ail, enfin, je vais pas faire le récapitulatif. Et j'ai eu 80% de réussite la première année. Donc pour moi, c'est que du bonheur, quoi. Et je me suis dit, c'est 50% la politique, tu vois, et 50% le maraîchage, là, le combat idéologique. Contre-étatique, en fait, pour moi. Mais après, voilà, il faut les bras, il faut le faire, quoi. Bah, il faut les bras, il faut la terre aussi. Deux jours, accessoirement, il faut le terrain. Mais je trouve que c'est excellent. Quoi. Bah, vas-y, Véronique. Tiens. Véronique, elle n'a pas beaucoup parlé. Vas-y. Je vais vous dire une chose. Attends, Véronique, elle voulait parler, je crois. C'est très bien. Là, votre discours me plaît beaucoup. Vous parlez d'action. Vous savez très bien ce que je pense là-dessus. Le souci qu'on a, effectivement, c'est que quand on fait venir des gens, on ne se connaît pas. Et ça marche à la confiance, en fait. Et la confiance, ça s'acquiert avec le temps. Donc, c'est assez difficile. Il faut du temps pour se connaître, pour être sûr des autres et pouvoir construire quelque chose. On n'y va pas comme ça à l'aveuglette avec n'importe qui. Le souci est là, en fait, pas ailleurs. Ok, bah, c'est intéressant. Vas-y, Stouff. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que les terres en soi, c'est pas le plus gros problème. C'est-à-dire que, comme a dit Véro, c'est faut trouver des personnes de confiance. Et des gens qui sont réellement motivés et aller au bout du projet et qui savent dans quoi ils s'engagent. Quoi. Ce que je veux dire, par exemple, tu vas... Enfin, moi, je prends mon exemple en Haute-Loire, tu vois. T'as des maisons, elles valent que dalle. Tu les rachètes à 3 ou 4, t'en as même pas pour 10 000 euros par personne. Après, faut de la volonté derrière. Ouais. Après, bon, il faut 10 000 euros par personne. Des jeunes gens... Je parle pour les jeunes, là, les vraiment jeunes, c'est difficile. Il faut un apport financier, même minime. C'est pas évident hein, quand on cherche du boulot, quand on habite en ville. Moi, je comprends. Hein, s'il n'y a pas de l'aide derrière, c'est pas facile. Hein, c'est pas et facile. En plus de ça, ce qu'on ne pense pas, parce que, encore une fois, ça dépend à partir de quel âge. Mais il y a aussi la notion de couple et on rentre aussi dans ces questionnements. Voilà, c'est vrai, quand tu montes un projet qui va te prendre 3 ans. Et que tu vas savoir que tu vas être un peu éloigné. Bon, après, c'est que des trucs, mais il y a toutes ces notions-là qui rentrent en compte. Donc, c'est pour ça, il n'y a rien qui est facile dans notre combat. C'est pour ça qu'il faut qu'on se mette ça dans la tête. Rien n'est facile. Et c'est le combat le plus difficile qu'il puisse avoir. Voilà. Et une fois qu'on a compris ça, ça va aller tout seul. Quoi. Je peux intervenir ? Ouais. Après, moi, je peux vous envoyer une petite info. C'est que quand j'avais recommencé, quand j'étais revenu de mon voyage, il y a dans toutes les villes, me semble-t-il, quand tu vas à la mairie, tu as des jardins communaux, je ne sais pas comment on dit. Mais, ouvriers. Et ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle. Moi, j'étais avec un pote, je ne sais plus si c'est pas 40 balles à l'année, et on avait un beau petit lobe inter, tu vois. Et je pense que c'est dans toutes les villes. Ça. C'est pour ça que quand tu disais choper un bout de terrain, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Et c'est vrai, ça, je l'ai vu. C'est vrai. Alors, Bastos, moi, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu disais avec la famille, etc. Alors oui, effectivement, pour un jeune, se lancer dans un projet comme ça et se dire, bon, attention, je vais morfler pendant quelques années, etc. Mais c'est dans tous les couples, que tu sois à la ville ou à dire je vais mener mon propre projet, ma propre barque, tu vas avoir cette épée de Damoclès sur la tête. Oui, bien sûr. Mais et ben à ce moment-là, alors je vais pas dire ne t'associe pas, fais-le au niveau de ta cellule de famille et dire ben voilà avec ta compagne ou ta future épouse ou la mère de tes enfants si t'as des enfants, de dire ben voilà, tu vois bien qu'aujourd'hui ici dans cette ville on respire plus, il y a pas de projet économique viable, il y a pas de boulot, etc. Il y a bien un moment où il va falloir qu'on vive. Est-ce qu'il serait pas temps de prendre une autre direction et de faire un retour peut-être en vivant plus spartiatement entre guillemets, sans bénéficier de tous les avantages d'être dans une ville, c'est-à-dire des loisirs, des restaurants, des choses comme ça, et encore quand on a encore les moyens de se les payer, parce que ça devient de plus en plus difficile. Oui, et je reviens à quelque chose de plus terre à terre, qui sera peut-être plus abordable, où il va falloir effectivement se retrousser les manches, mais finalement être un petit peu plus libre parce que tu travailleras pour toi. Pourquoi pas dire, je vais me mettre auto-entrepreneur. Au départ, j'ai besoin d'être auto-entrepreneur pour pouvoir monter mon crédit. Donc, je dis n'importe quoi, hein, j'extrapole. J'ai des compétences en informatique, je suis auto-entrepreneur, ça demande pas grand-chose. J'ai mon portefeuille de clients, bon voilà, j'ai de quoi payer le crédit pour acheter le terrain et la maison. et puis petit à petit, tu vas t'investir de plus en plus dans ta maison, et tu auras de moins en moins besoin d'argent parce que tu vas avoir un retour sur investissement, notamment au niveau de la nourriture, de ton autonomie et de ta résilience, et de dire, il y a un moment, ben, je peux réduire mon portefeuille de clientèle, je vais passer moins de temps avec mes clients, parce qu'aujourd'hui, ben, je dois passer plus de temps sur mon terrain pour cultiver ou pour réparer, etc. Et puis à un moment, tu vas trouver l'équilibre, ça peut être aussi une solution. Oui, tout à fait. Après, tu sais, là, je suis dans une projection. Dans la projection, hein, il faut prendre tous les paramètres en compte. Et c'est ça peut-être un élément, quand je dis ça, qui peut déranger certaines personnes. C'est vrai, parce que hein, quand tu n'es pas construit dans une famille aussi, tu vois, tu es là, tu es déjà dans le projet d'une famille. Et ensuite, il faut que tu penses au projet de construire un autre truc. Bon, les deux sont liés, hein, généralement. Mais bon, voilà, c'était juste pour exprimer un ressenti. Hein, puisque tu... moi, j'essaie d'être positif. Hein. Je veux pas vous vendre du rêve et vous dire ça va être cool, vous allez voir, c'est la fête du slip et on va tous s'amuser. Et on va tous se taper sur le ventre en rigolant parce que c'est, il n'y a rien de plus facile. Non, non, c'est difficile. Mais justement, c'est peut-être un petit peu déroger de ce qui nous a été préformaté par l'éducation nationale et par le destin qu'on s'est un petit peu fixé par rapport aux médias et à la situation économique, etc., et de se reprendre un petit peu en main. C'est aussi ça un petit peu le nationalisme, c'est finalement se dire, voilà, je redeviens un petit peu moi et je me réenracine un petit peu dans mon pays sans un combat politique d'une violence absolue, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. J'écoute, je suis absolument d'accord. Et c'est vrai que ça sert à rien non plus de faire des plans sur la comète. Je suis d'accord aussi avec la vision de Véronique. C'est le pragmatisme que les rapports sont des rapports de confiance. C'est évident. C'est là-dessus que tu peux bâtir sur du solide. Donc, pour développer ces rapports de confiance, de toute façon, il y a nécessité d'avant qui est une phase de rencontre, de machin, etc. Ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais c'est pour ça que j'encourage les gens, d'ailleurs, à se rencontrer au départ de façon ludique, pour se rencontrer, simplement, faire un repas, hein, etc. C'est comme ça qu'on commence à tisser des liens. Hein. Faut pas chercher plus loin que ça au début. Hein. Et c'est comme ça que les choses commencent, d'ailleurs. Vas-y, Bastos. Non, j'étais en train d'acquiescer, en fait. Mais entièrement d'accord avec toi. Je veux dire, voilà, il faut qu'on commence étape par étape et arriver au début la rencontre et la finalité, comme parle Pierre depuis tout à l'heure, des petits groupes qui commencent à monter tel projet dans tel secteur et qu'on va pouvoir recouper avec d'autres groupes et diversifier un nouveau secteur parce qu'il y a 2-3 groupes qui peuvent aller dans ce sens. Donc voilà, il y a que du positif dans ça, quoi. Maintenant, c'est un travail de longue haleine. Il faut y aller. Quoi. C'est un travail de longue haleine, mais accessible à tout le monde. Ouais. Enfin, accessible à l'ensemble de tout le monde si on veut se donner la peine de vouloir réussir. Parce que c'est ce que j'observe. Encore une fois, c'est pas une critique, hein, mais énormément sur les Discord patriotes, tous, on voit une vision globale de la France, on a fait une analyse, on a tellement été bourré parce qu'on a pris en pleine tronche conscience du problème sur sa globalité qu'on ne voit plus que ça et qu'on ne voit pas finalement un petit peu et qu'on voudrait vraiment gommer et effacer tous ces problèmes-là qu'on voit dans la globalité, mais on n'en est pas capable techniquement, physiquement, intellectuellement et par le nombre. Donc la seule solution, c'est encore une fois quand cancer, mais c'est agir vraiment à la cellule, quoi. Et t'es une cellule et plusieurs cellules regroupées, ça peut construire un corps. C'est un corps défendant. Je peux intervenir ? Vas-y, Caras. Qui c'est qui peut démute Jesse Caras, premièrement ? Et deuxièmement, c'est pour répondre à Véronique. Je pense que déjà sur le Discord, on fait à peu près 80% du boulot de connaissance parce que les gens qui vont là, je pense que la plupart sont des gens de confiance, tout simplement parce qu'ils sont là, donc ils s'intéressent à l'avenir de la France, à créer du lien, à chercher à savoir, à s'enrichir. Donc Véronique, je t'assure, la confiance, moi j'ai confiance en la confiance que tu pourras avoir des gens sur les gens du Discord. Et sur les projets d'autonomie, faire des jardins, tout ça, oui, c'est intéressant. Tu peux le faire tout seul, tu peux le faire avec des gens, on peut faire des tas de choses. Maintenant, après, c'est est-ce qu'on pourrait créer à plusieurs un garage, une petite usine pour fabriquer des choses à la commande, sans forcément être inscrit, comment dirais-je, au registre des entreprises, je sais pas comment on appelle ça. Non, tu peux pas en France. Tu peux pas, t'es obligé de manière associative. C'est très difficile associativement. Je dis pas que c'est pas impossible. C'est très difficile parce que bon, une association, logiquement, loi de 1901, elle est pas là pour faire des bénéfices. Ouais, mais à partir du moment où t'as des employés, ben en fait, enfin bon, je comprends. Bah, si t'as des employés, t'es une entreprise. Non, quand t'as des employés, une association peut avoir des employés, mais c'est l'association en fait qui fait pas de bénéfices. Enfin, c'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent pour Amnesty International, par exemple, ou Médecins Sans Frontières. Je veux juste rebondir, les associations reconnues d'utilité publique, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Vous avez le droit d'avoir des employés, vous avez le droit de construire des bâtiments, tout dépend de l'objet de votre association. Vous avez tout à fait le droit de faire ça. Exactement. Donc voilà, c'est déjà... Oui, de toute façon, on va dire que la structure juridique, il y en a plein. Après ça, tu peux les étudier, voir laquelle est la plus adaptée, laquelle, etc. Enfin, ça, c'est vraiment le. On voit que c'est pas le problème, puisque après, il y aura qu'à choisir entre guillemets. Il y en a plein, plein de possibilités. Mais on voit que le cœur du problème, c'est d'avoir le. J'ai presque envie de dire la flamme humaine, l'étincelle d'humanité qui va faire que tout ça va se déclencher, se base, voilà, ça va être sur la confiance, sur la rencontre, sur le truc, sur plein de choses, quoi. Bah, moi je vais peut-être vous donner une piste, tout simplement, étant père de famille, c'est vos enfants, c'est l'avenir, ne le faites pas pour vous, finalement. Qu'est-ce qui est le plus motivant? C'est de la projection, c'est l'avenir. Puisqu'on a un instant T à passer sur la terre et qu'on est là pour apporter un petit peu une pierre à l'édifice, cette pierre-là, vous la faites pour les enfants, et pour vos enfants d'ailleurs. Alors, ça peut être un très bon sujet de motivation. Bien sûr, Pierre, mais quelle est la motivation pour les gens qui n'ont pas encore d'enfants, dans l'optique d'en avoir, mais c'est. Hein, tu vois. Alors, tout dépend du projet que tu vas avoir. Le projet de dire, bah, voilà, je vais essayer d'être un petit peu, de faire un retour, on va dire un retour à la campagne. Voilà, on va dire ça, on va appeler ça un retour à la campagne. Ça englobe tout ce que ça veut, ce qu'on a un petit peu discuté. Ce retour à la campagne, finalement, peut te dire, bah, ça va me permettre, moi, maintenant, d'établir ma famille dans une structure beaucoup plus saine. Que dans une ville citadine où aujourd'hui il y a multitude de problématiques qui font qu'on vit pas sereinement en ville. Ah, ça c'est certain. Ça c'est clair. Ça c'est le constat. Ensuite, et ben éventuellement, si c'est un projet à plusieurs personnes, c'est de se dire ben voilà, on a recréé un petit peu un espace communautaire de vie où je sais que mes enfants vont pouvoir se développer pareillement dans un esprit sain, etc. Et puis il y a un esprit communautaire. S'il y a des gens qui sont par exemple un petit peu déracinés de leur famille et qui s'enracinent à la campagne avec des gens qui partagent les mêmes convictions, les mêmes points de vue idéologiques, notamment d'avoir des respects de règles de vie en commun, et en acceptant certaines choses, il n'y a rien de plus sain. Encore une fois, c'est aussi un support complémentaire à la projection de créer une famille, de se réenraciner avec des gens autour qui partagent aussi la même chose, et de te dire, bah, tiens, je vais avoir aussi des amis qui vont aussi avoir des enfants, et puis nos enfants, bah, ils vivront ensemble. Alors, pas dans un esprit de hippie, hein, bien entendu, il faut rester encore une fois toujours ouvert au monde, etc. Mais dire, voilà, au moins, je sais on sera au moins dans une enclave sereine. Ouais, mais vous vous rendez compte qu'on est en train de faire des plans sur la comète pour tout simplement vivre normalement, en fait. mais c'est la société qui nous oblige aujourd'hui à y penser. C'est pas une volonté de notre part. Logiquement, c'est le devoir de l'État français d'assurer aux citoyens en France une telle joie de vivre, un tel bonheur. Et ce bonheur-là, aujourd'hui, on l'a plus parce que il y a des règles européennes qui transgressent les lois françaises, et l'art de vivre à la française, on le perd de plus en plus. On est finalement la mémoire de nos grands-parents, de nos parents, et quoi qu'on en pense, ils nous ont quand même transmis certains éléments. Et le but, c'est de transmettre à nouveau, nous, ces éléments-là, à notre descendance. Donc, pourquoi ne pas étayer ça par rapport à tout un esprit communautaire ou à un esprit d'enracinement avec, encore une fois, ne serait-ce que des choses simples voilà, très très c'est l'art de vivre à la française. Enfin, je vais pas vous l'expliquer, on est tous français, que tu sois de souche ou que tu sois de branche. Si on aime notre pays, si on défend cet esprit-là, c'est parce qu'il y a quelque chose de le bon vivre ensemble, quoi. Merde. Ouais, mais t'as raison, Pierre, et je pense que dans une optique justement de communauté, de pas vivre seul, il y a plein de gens qui n'ont pas encore de famille, qui auraient moins peur de partir à la campagne, parce qu'il y a aussi toute une frange de la jeunesse qui se dit « non mais si je vais m'exiler au fin fond d'un trou du cul, j'aurai encore moins de chances de rencontrer quelqu'un avec qui faire ma vie aussi, tu vois ?» Tout à fait. On arrive à construire des zones justement où il y a un échange de vie. Ça va aussi pousser toute cette jeunesse-là qui en fait a envie de nous suivre, mais qui a peur de se retrouver perdue au milieu de la campagne, à nous suivre justement. Moi, je suis d'accord avec Jessica Lars, comme d'habitude. On revient au principe de la communauté, hein. C'est-à-dire à un moment donné, il faut qu'on s'accapare des endroits pour qu'on puisse avoir nos écoles, pour qu'on puisse avoir nos institutions, enfin les institutions qu'on doit bénéficier, quoi. À un moment donné, voilà, et que ça soit dans notre idéologie, parce que quand on sait qu'on envoie son gosse dans une école où on sait que 90% voire 100% des gens pensent comme nous, bon, déjà on se sent un peu plus serein, parce qu'aujourd'hui quand tu envoies ton gosse à l'école publique, tu sais pas comment tu vas la récupérer à la fin, quoi. Voilà, c'est pour compléter l'éducation ou modérer l'éducation qui fait défaut aujourd'hui aux enfants, exactement, par exemple en vivant, entre guillemets, dans le même état d'esprit que beaucoup d'individus, en partageant un destin commun, une vision commune d'une certaine France et d'un art de vivre. Ouais, je peux poser une question là, parce que je pensais à un truc. Imagine, tu arrives dans un village ou même tu remontes une communauté autour d'un village où il reste encore un peu des habitants, mais tu te rends compte que les projets éducatifs de l'école de ton village sont complètement gauchiasses, complètement transgenres, complètement pourraves. Question sociale. Comment tu fais pour te débarrasser soit des profs, soit du directeur de l'école et, ou ça? Ou est-ce que toi, tu peux monter ta propre école communautaire? Sans le dire, bien sûr. Comment tu peux faire? Parce qu'il y a des gens qui pourraient me répondre par rapport à ça. Je vais te donner mon point de vue. C'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'éducation qui est obligatoire en France, déjà d'une part. Donc effectivement, tu pourrais tendre à dire « je vais monter une structure qui va me permettre de pouvoir éduquer mes enfants selon les préceptes que j'ai envie ». Hein, moi je serais enclin de dire non, ne fais pas ça parce que tu vas t'attirer les foudres de l'État. Dès que tu vas mettre un pied hors d'un petit peu de la doxa, si on est toujours dans un système aujourd'hui où l'État est encore à peu près puissant sur certains domaines, notamment sur l'éducation nationale, tu laisses tomber cette partie-là, tu dis tant pis, de toute manière on est tous passés par là, regarde bien Caras, on est tous passés par l'éducation nationale en grande partie, et ça fait pas de nous des moutons, puisqu'on a quand même réussi à se dégauchiser et à regarder. Toi, ton obligation de parent, entre guillemets, c'est de redonner ou de redresser un petit peu les choses qui seraient mal apprises. Parce qu'il faut pas tout rejeter dans l'éducation nationale. Il y a quand même des bases qui sont au minimum données. À toi de compléter ou de redresser les choses qui seraient mal dites. Et c'est ton devoir de parent. C'est ça aussi l'éducation, c'est donner aussi des valeurs historiques ou des compléments d'information à l'éducation de tes enfants. Ouais, je suis d'accord, mais le problème, c'est que papa, il n'est pas plus intelligent que l'école et la télé, quand même. Mais après, on parle dans un regroupement. Mettons, on s'est regroupé autour d'un village, tout ça. Il y a un moment donné, tu as tout le village représenté, ça représente 90% de notre idéologie. Je veux dire, même s'il y a un prof qui arrive et qui est gauchiste, à un moment donné, il va comprendre qu'il n'est pas à sa place. Soit il va changer d'idéologie, soit il va déménager. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, le tissu social autour de l'école va influencer l'école. C'est aussi simple que ça. C'est l'environnement qui fait. Quand tu vois, je prends un exemple, mais quand tu vois les zones de non-droit en France où on envoie des profs qui ressemblent à la population, c'est bien parce que le tissu social influence justement le fait qu'il faut qu'il y ait un certain type d'éducation qui soit donné. D'ailleurs, le niveau éducatif en campagne est certainement un peu plus supérieur que le niveau éducatif en ZEP. Hein, Parce que je vois les projets LGBT, machin, ils ont eu lieu souvent dans des petites villes ou même des villages de campagne où ils faisaient intervenir des... Comment ça s'appelle? Des transgenres, des travelots, enfin des trucs comme ça pour expliquer aux enfants. Ouais, mais bon, tout ça, c'est accessoire. C'est pas le fond du, c'est pas le fond du truc, quoi. Ah, tes pas, t'entends mal. Ah, tes pas, tu peux. Ah, vous m'entendez plus, hein? Ah, merde. Ah, c'est bon. Ah, là, c'est mieux. Ouais, ouais. Ah, ouais, d'accord, il est en dessous, d'accord, désolé. Oui, je disais que oui, c'est quand même accessoire, quoi, l'idée des instituteurs LGBT. Je crois que, voilà, l'idée, c'est comment déjà mettre le truc en place et quel type de projet après mettre en place dans une phase déjà, quoi. Ce qu'on peut remarquer, c'est que là, depuis qu'on discute plus d'une heure. Ouais, excuse-moi, vas-y, Véro. Ouais, je voulais juste vous dire, en fait, vous faites des plans sur la comète, sur l'éducation des enfants. Moi, j'ai éduqué mes enfants à la campagne. Vous croyez vraiment que les agriculteurs, ils élèvent leurs enfants dans cet esprit, je sais pas quoi, là, LGBT progressiste? Pas un seul moment, pas un moment. C'est faux. Ils sont très traditionnels. Ils vivent en famille. Et croyez-moi, ça vous fera beaucoup de bien de rencontrer des personnes normales. Moi, j'aime bien la phrase l'école, c'est l'instruction et les parents, c'est l'éducation. Et ça veut tout dire aussi. Ça a toujours été comme ça, surtout c'est maintenant que ça part en cacahuète et où ils veulent influencer et parler de tous les sujets qui sont propres aux parents, normalement, quoi. Mais ça, on le sait, c'est une décision. Ça vient de depuis qu'ils ont appelé ça l'éducation nationale et que ça s'appelle plus l'instruction publique. Ça a changé en changeant de sens, on a influencé aussi sur l'idéologie globale, pas simplement sur instruire les enfants à lire, écrire, les maths et tout ça, quoi. Formatage de l'idéologie républicaine, quelque part. Tout à fait. Absolument. Le problème, c'est que, en fait, vous avez raison, tous les deux, Caras et Bastos, c'est que Bastos, t'as raison dans le cas où t'es dans un village où 90% des gens ils pensent comme toi. Mais quand tu vas t'installer dans un village avant de faire en sorte que toute la populace du village elle pense comme toi, t'as plus de chances de voir l'appareil républicain, tu vois, à l'école s'emparer de tes enfants, en fait. Oui. Si vous permettez, vous serez certainement surpris. Dans les campagnes, les gens, moi quand je suis arrivée, personne n'osait parler. Jusqu'au moment où j'ai commencé à me présenter à des élections. Et là, la parole s'est déliée, mais carrément déliée. Déliée. Parce que les gens, ils n'osaient pas. Et quand il y a quelqu'un qui ose, en général, les autres, ils suivent. Ça, il faut être le moteur qui entraîne les autres. Le moteur. C'est le moteur. Impose ton style, mec. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que depuis qu'on fait ce débat-là, personne ne s'est pris la tronche, personne ne s'est monté dessus, et tout le monde est pratiquement d'accord sur le constat. Et tout le monde est motivé. Oui, oui. Je pourrais même dire que je suis en train de tomber amoureux de toi, Pierre. Ouais. Comme on me dit, il faut porter ses couilles sur le chat, c'est un peu ça. Ramenons pas LGBT à la campagne, s'il vous plaît. Après, il y a aussi, enfin, vous parliez tout à l'heure. Bon, moi, j'ai pas de couilles, mais c'est tout comme. sans doute. 37. Je parlais d'amour christique, en fait. Vous parliez de l'école, et je sais qu'il y a, je crois que j'ai plus à combien, il y a 50 000 enfants, je crois, non scolarisés. Enfin, c'est l'école à la maison. Je sais pas ce que vous en pensez, si c'est bien. C'est les parents qui, je crois, par le biais, par courrier, enfin je sais plus, il y a une espèce de système comme ça qui fait que tu peux te détacher de l'instruction à la maison. Voilà. Après bon, c'est une autre paire de manches, c'est vrai que parce que les parents. Le problème de l'instruction à la maison, c'est que toute la phase de sociabilité des enfants à l'école, tu l'as pas, quoi, parce que ton enfant il est à la maison et quand bien même t'essayes un maximum de le faire voir d'autres enfants, il en verra jamais autant et il sera pas confronté aux mêmes situations sociologiques, je dirais, que à l'école où il est que entre enfants et il y a pas un parent derrière ou nécessairement un adulte toujours derrière pour gérer les conflits et les situations. Ouais, même chance. Mais ça se passe bien, je crois. Enfin, moi, je connaissais quelqu'un qui faisait ça, ça se passait très bien. Son petit, après, il allait faire du sport avec les autres enfants, et ça se passait très bien, quoi. Il y en a même qui sont très bons, hein, qui sont très forts. Hein. Ah, mais on parle dans une généralité, quand même. Oui, non, bien sûr. Non, non, je veux dire, au niveau de la... et souvent, c'est que le seul problème de ce genre d'éducation, c'est pas du tout ce que les gosses apprennent, ça va être leur capacité à se poser en société parce qu'ils n'auront pas eu autant d'interactions sociales avec d'autres enfants durant leur éducation. Mais sinon, au niveau des... Généralement, ils sont même plus intelligents qu'un gosse à l'école. Pourquoi ? Parce que le gamin, il a eu un prof particulier du début à la fin. Il a eu un adulte qui s'est intéressé à lui apprendre les choses de façon personnalisée à sa réception à l'information et à l'apprentissage. Et donc, forcément, tu mets ça en comparaison avec une classe de 20 ou 30 élèves où un prof doit faire la classe à 20 ou 30 élèves qui n'ont pas le même niveau, bah, tu es obligé d'arriver à une moyenne qui forcément bah, va tirer ceux du bas vers le haut, mais va tirer ceux du haut un petit peu vers le bas, forcément. Oh, mais non, c'est tout le temps comme ça, en fait. Je viens de recevoir un tweet de M. Jakubowicz qui me dit « L'instruction, oui, mais n'oubliez surtout pas la question essentielle pour vos enfants. » Ouais, on l'a compris. Ouais, bah, on n'évite pas ce genre de citation. Tôt ou tard, les enfants sont confrontés à des problèmes. Je pense que c'est déjà à l'école qu'ils l'apprennent. Je suis pas trop fan, hein, moi, qu'on les retire du système. En fait, c'est aux parents après de les remettre sur les rails et de les orienter. D'accord. Et les difficultés, il faut qu'ils l'apprennent dès qu'ils sont petits. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut pas se mettre à dos les systèmes étatiques, etc. Et encore une fois, c'est ce que je rappelais, on est tous passés par le système de l'éducation nationale et ça n'a pas fait de nous des moutons, des produits de consommation, etc. On s'est quand même quelque part un jour ouvert les yeux. Donc on a cet avantage-là, on peut très bien aujourd'hui, au lieu d'attendre 20 ans ou 30 ans ou 40 ans pour s'ouvrir les yeux, ouvrir les yeux à nos enfants. Et c'est le but justement d'essayer de refaire quelque chose en communauté, dans un endroit serein qui permette de pouvoir le faire. Assez d'accord. Lila, tu voulais intervenir, on t'a pas beaucoup entendu. Pour revenir un peu sur ce que disait Pierrot, on tient un peu ça de nos parents aussi, cette mentalité un peu révolutionnaire entre parenthèses. Peut-être pas la majorité, mais en tout cas moi ça me vient. Bon bah tu viendras planter des patates avec nous, quoi. Exactement. Avec plaisir. Et vous voyez, c'est quelque chose de positif parce que finalement, on a tous discuté d'une projection dans l'avenir en écartant les sujets clivants. Parce qu'ici, à l'intérieur du groupe qui est en train de discuter, on a tous des points de vue différents. Et moi, le premier qui suis très, très level up, j'admets pouvoir être ouvert à une discussion et à pouvoir construire quelque chose avec des gens d'autres points de vue. Parce que la finalité, c'est l'avenir. Et c'est pas à un moment T, à un instant T, changer, révolutionner quelque chose qu'on n'arrivera pas à faire. Il faut surtout que les gens soient un peu plus dans la logique et un peu moins dans le dogme sur tous les sujets qui les intéressent. Ça veut dire, voilà, à un moment donné, qu'on écoute les uns les autres, c'est leur vérité, sans rien d'autre, quoi. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi écouter les autres, comprendre qu'il y a des intérêts communs. Et aller de l'avant, quoi. Voilà. Mais arrêter c'est cette vision dogmatique. Voilà. Chez certains, il y a vraiment une vision dogmatique de la vie et c'est comme ça. Autrement, non. La vie, c'est plein d'individus, plein de différences et il faut qu'on se trouve sur des points et des intérêts communs, quoi. Et vous voyez, je vais vous révéler le secret de ce qui se passe là actuellement, là. Alors, sans faire de mysticisme, etc. Vous savez ce qui vient de se passer? On vient de faire de la politique, mais de la politique intelligente parce qu'on vient de rêver. À un avenir, il y a quelque chose on s'est projeté dans l'avenir en rêvant. Et c'est ça. Aujourd'hui, ce qui manque aux politiques en France, c'est qu'ils nous font plus rêver. Donc on n'est plus moteur, on les écoute plus et ils nous écœurent. En plus, c'est plus que c'est plié, on peut rien faire, c'est comme ça, rien va changer. Ah ben oui, mais que voulez-vous qu'on fasse? On peut rien faire. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que l'espoir, l'espérance, ça motive. C'est vrai que c'est... C'est le meilleur, c'est ce qui a toujours fait avancer l'humain. Et vous voyez, on vient de faire de la politique en rêvant et de la politique saine. Vas-y, on t'entend plus. Vas-y, Cam, on t'entend pas, c'est non, pour ça. Ah, pardon, vous m'entendez ou pas là? Bah, on t'entend, mais ton truc, il est allumé, donc on sait pas si tu vas parler ou si tu parles pas, en fait. Donc, si tu veux parler, vas-y. Non, je disais, bah oui, au niveau de l'espérance, de l'espoir, et c'est vrai que moi, bon, après, j'imaginerais, enfin, dans mes fantasmes, un espèce de Poutine français qui relève la France, au niveau politique, espoir, etc., géopolitique. Ouais, voilà. Mais ça, c'est encore, tu vois, ça, c'est les chimères, par contre. Parce que c'est attendre le Messie un peu, alors que bon, là, c'est quand même plus atteignable. Oui, et puis peut-être que cet homme de providence, il viendra quand on aura fait le premier pas, c'est-à-dire quand on aura montré la volonté qu'on a aussi de nous bouger pour notre pays. Peut-être que c'est de ce mouvement-là que l'homme providentiel y sortira, en fait. Et moi, je vais te faire rêver, Kamkam, parce que le Poutine providentiel, ben, au lieu de l'attendre, fais que ça soit toi. Et fais-le à ton échelle à toi. Sois ton propre Poutine à toi et fais-toi évoluer. Ouais, wow, ça devient scientologue là. Bah, c'est Ouais, quelqu'un le nouveau Poutine, moi je. Non, quand même, quelqu'un de c'est Poutine. grandi, c'est grandi. Ça... Tu disais, Je vais te soit changer je ton pseudo tout de suite. Voir dans le monde, hein. Ah bah, Caras, si tu parles de scientologue, moi, c'est eux qui font la loi aujourd'hui. Hein. Alors, c'est Non, peut-être pas mauvais. c'est. Oui, enfin, c'est dans le sens plutôt révolution intérieure. Hein. C'est ça que tu voulais dire plutôt, je Ah crois. oui. Non, mais il veut dire que chacun. Au lieu d'attendre le Messie, sois le Messie toi-même et bouge et fais, vas-y. Si tu penses que c'est vers cette voie qu'il faut aller, bah il faut y aller. Et puis, faut pas se poser de questions, quoi, finalement. Sois l'exemple, quoi. Voilà. Rêve et vie pour toi. Oui, non, mais moi j'ai pas de soucis là-dessus. Hein. Moi, quand j'ai je vois de l'espoir, je vois de l'envie et du désir, bah, j'y vais, je fonce, hein, y a pas de soucis, quoi, à ce niveau-là, quoi. Bon, on est tous d'accord alors. C'est Sois le parfait. désir de quelqu'un. Un désir, comme je disais, oui, bah de nos espérances, voilà, humaines, idéologiques, etc. Oui, ça motive, hein, et ça donne envie de se lever, de bah, voilà, comme dites pas, voilà, planter des tomates, des pommes de terre, etc. Oui, c'est intéressant, c'est agréable, même si c'est dur. Bon, et puis ça peut prendre une après-midi, et puis après on récupère vraiment vraiment on récupère 100 fois plus, même au niveau, enfin, par rapport au niveau difficulté, au niveau Le fruit de tes souffrance. labeurs. Voilà, exactement, c'est ça que je pense à ça. Le fruit de tu récupères le fruit de tes labeurs, quoi. Voilà, c'est bien dit. C'est une phrase bien française, voilà, qui convient parfaitement à ça. Et c'est là aussi que tu vois que, bon, déjà, ils ont enlevé la religion, la spiritualité, mais que à l'école, ils nous ont jamais appris les saisons, les arbres, comment ça pousse. Ils nous ont juste mis une graine dans du coton avec un peu de flotte, et puis basta, quoi. On n'a jamais été foutre nos mains dans la terre. Et moi, la première fois que j'ai mis la bêche dans la terre quand j'ai retourné le terrain, ça m'a fait un choc, je sais pas, ça m'a fait comme un coup de marteau sur la gueule. Ça m'a fait genre, il y a un truc qu'on nous a pas dit, quoi, tu vois. Travailler la terre, c'est la base de la vie de l'homme, quoi. Putain de merde, Alors, c'est c'est se faire à extraordinaire ce manger, que tu quoi. dis, parce que Et ça m'a fait Martin. vraiment un choc, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Alors, Martin, c'est extraordinaire ce que tu dis, parce que je garde exactement la même expérience la première fois que je me suis mis moi aussi à jardiner, tu vois, c'est-à-dire à faire pousser des trucs, et donc devoir mettre, voilà, travailler la terre. Et à ce moment-là, tu reviens à quelque chose qui te met en phase avec. Un sentiment de l'aube de l'humanité. Tu reviens en fait à ce qu'il y a de plus profondément humain finalement. Et c'est extraordinaire la sensation que tu as à ce moment-là. Et c'est ce que tu viens Non, d'expliquer. mais Et tu as un flash absolu comme ça. la frissonnade, franchement, ce que tu expliques, c'est exactement ça. C'est l'aube de l'humanité, exactement, quoi. C'est bouleversant, quoi. C'est tout à fait d'accord. Retourner la terre avec tes mains, enfin retourner avec la terre avec tes mains, on s'est bien compris. Hein. C'est t'enraciner à nouveau, tu vois. Ah, mais complètement. C'est-à-dire que, Pierre, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, à la fois, quand on parle de réenracinement, puisque là, tu enracines des plantes, et c'est extraordinaire, parce que tu as la métaphore, à la fois, du réenracinement des plantes, mais tu te réenracines véritablement, toi aussi, dans la terre, et donc profondément avec ce qui fait de toi un homme, tu comprends que c'est par là que ça commence. C'est extraordinaire. Ah, c'est les fondamentaux, exact. Ah, c'est vraiment extraordinaire. Et moi, ça m'a tellement chamboulé, je sais pas, je vais aller un peu plus loin, t'es pas, voir si toi, ça t'a fait ça aussi. J'étais plutôt un lève-tard, tu vois, 11h midi, et du jour au lendemain, à 8h du mat, dans le jardin, en train de, tu vois, retourner la terre, planter mes premières patates, et puis au fil des mois, boire mon petit café, à 8-9h du mat, au petit soleil, voir mes petites salades pousser, tu vois, ça m'a vraiment changé la vie, le truc, tu vois, ça m'a vraiment bouleversé, quoi. Ouais, complètement. Je trouve que c'est une expérience incroyable et que après justement ça te fait réaliser beaucoup de choses à la fois sur le système, les modes de vie, mais profondément de ce qu'est l'âme humaine de faire pousser, manger ta propre nourriture, etc. C'est là que ça commence. Tu vois, c'est tout commence par là. C'est quelque chose d'extraordinaire et c'est vrai que c'est incroyable qu'on soit séparé de ça, sachant quand même qu'en France, on est bien loti, puisque c'est un peuple profondément agriculteur, et donc les gens, tu trouves beaucoup d'informations, les gens sont très informés, il y a une grande culture quand même là-dessus, c'est incroyable d'ailleurs. Bon, on aime bien la bouffe. Moi, c'est mon voisin qui m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils que j'aurais dû noter, mais si voilà, j'ai eu autant de réussite dans mes plantations, c'est parce qu'il m'a donné plein de conseils. Comme par exemple les limaces dans les salades, il m'a dit bah coupe les feuilles de ta rhubarbe et fous-les à côté de tes salades. Et les limaces préfèrent bouffer les feuilles de la rhubarbe, tu vois. Et ça m'a sauvé 50% de mes salades qui étaient en train de crever. Tu vois. Il m'a donné plein de conseils comme ça, c'était énorme. Et ce que je voulais dire, c'était le truc le plus dingue que ça m'a fait aussi. C'est de donner, tu sais, quand les potes ils passaient à la maison, c'est quand ils partaient de leur donner une cagette avec une salade, une vingtaine de pommes de terre, de poireaux, tu vois, et ça c'est vraiment du, voilà, c'est recréer du lien et c'est génial, quoi. Je trouvais ça complètement partage, complètement. C'est pour ça que quand tout à l'heure on parlait de cette idée là je me disais que l'idée, en plus du réseau qui se crée autour de ça, c'est un réseau naturel, parce que là, on parle justement de quelque chose qui lie tous les humains, que tout le monde a besoin de manger. Donc, c'est pas des Nike et des, je sais pas, des iPhone, quoi. Là, on parle vraiment de quelque chose d'essentiel pour la vie. Ah, tout à fait. Moi, je te dis, les tomates, quand je les cueillais, je leur faisais des bisous, tu vois. Tu les prends, tu veux pas la faire tomber, t'es là, c'est si fragile, c'est gorgé de soleil, ça n'a rien à voir avec les putains de tomates de Leclerc. Ah, mais c'est clair. Quand tu prends tes... En plus, il y a une telle satisfaction de récolter ses propres légumes. Et en plus, il est vrai que quand tu récoltes tes légumes, tu te rends compte à quel point il y a une différence entre la merde qu'on nous vend en supermarché, donc ces légumes là d'hydroponie qui sont pleins d'eau finalement sans goût, avec un légume. Tu redécouvres en plus le légume, tu comprends à quel point c'est important en plus. Tout à fait. Et le truc aussi magnifique, c'est cueillir un radis en terre et 10 minutes après, il est sur un bout de pain avec du beurre salé. Tu sais, c'est passer de la terre à la bouche en moins de 10 minutes, tu vois. C'est, enfin, des trucs comme ça. Et c'est ce que tu dis, les goûts, tu redécouvres les goûts, quoi, tout simplement, quoi. Allons plus loin, même dans l'élevage de poules, dans l'élevage de lapins. Tout à fait. Éventuellement d'un cochon, là, c'est plus délicat parce que forcément, c'est soumis à des obligations vétérinaires plus importantes que de la basse-cour, mais tu vois, des choses comme ça. Et tu peux très, très, très vite devenir autonome. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Autonome alimentairement parce que c'est une grande partie financière de la vie d'une famille ou d'un être humain. Et puis, ton travail que tu produis, toi, pour pouvoir te permettre de te nourrir, finalement, si toi, tu le produis et le temps que tu passes à le produire, tu ne travailles plus pour le payer, quoi. Enfin, tu travailles plus pour le payer, tu comprends ce que je veux dire. Tu peux réduire ton temps de travail extérieur pour ton bien-être, et puis tu t'assures vraiment une qualité de vie qui est complètement différente de ce que vous venez de dire. Vous l'avez expliqué avec la qualité des légumes, mais même au niveau nutriments, etc., etc. C'est fantastique. Ouais, c'est extraordinaire. Je peux prendre même l'exemple, excuse-moi, t'es pas, non, je vais faire rapide, l'exemple de l'absurdité de la crèche, tu vois, les parents qui vont, la mère, elle dépose son gosse 4 mois après avoir accouché, puis elle va travailler pour payer quelqu'un qui va garder son gosse, tu vois. C'est complètement débile, tu vois. Et la nourriture, c'est pareil. Autant faire pousser ses légumes et bosser un 20 heures, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, le temps que tu passerais, en fait, t'occuper de ton jardin, finalement, à la fin, c'est ton temps de travail. Non seulement ça va te nourrir, mais en plus, tu vas pouvoir vendre le surplus de production pour avoir des revenus en plus. Donc, c'est vraiment c'est extraordinaire. Et tu sais ce que tu as dans l'assiette aussi. Ah bah oui, c'est-à-dire que ce que tu as dans l'assiette est extraordinaire pour toi. Et en plus, tu le fais partager aux autres. Mais en plus, ça peut devenir un système économique. Voire même éventuellement un système d'aide sociale, entre guillemets, bien choisi. Parce qu'éventuellement, ta surproduction, tu peux soit décider de la vendre pour améliorer ton quotidien et ou augmenter tes projets ou mettre cette surplus de vente dans une communauté pour augmenter cette communauté. Ou éventuellement aussi dire, bah voilà, il y a des gens qui sont un petit peu en difficulté dans mon coin, et ben, je vais aussi les assister. Alors, bien sûr, voilà, il y a un petit peu de social. On peut aussi faire un peu de social à une certaine échelle. Ah, moi, je suis dans une association, Restons Solidarité, comme ça, dit que j'aide à des déménagements, puis je prends les trucs pour les ramener pour les gens qui n'ont pas de meubles ou des choses comme ça, des chaussures, des paires de chaussures. Et voilà, ça, c'est le lien social qui se crée. Mais encore une fois, voilà, c'est les actes, quoi. J'ai une question. Parce qu'en fait, bon, au niveau agriculture, bon, que ce soit basse intensité, tout ça, il vaut mieux pas éviter les organismes d'État, parce qu'au contraire, plus on se fait discret, mieux c'est. Parce qu'en allant demander, je sais pas, moi, des subventions ou quoi, finalement, il y a les normes qui rentrent en compte, et puis on sait très bien, enfin, j'imagine bien, Martin, tu n'utilises pas les graines Monsanto. Donc comment tu pallies à ça, et etc. Ah, moi, je te le dis franchement, hein, les pommes de terre, c'était des pousses que mon voisin m'avait filé, mais j'ai acheté pas mal de graines dans des hypermarchés. La première année, j'ai pas cherché des putains de graines biologiques et compagnie. Je me suis dit, je me lance là-dedans, je vais voir ce que ça donne. Et puis, voilà, j'ai acheté des graines à Carrefour Market, pas des graines de dingue, tu vois. Mais après, ça dépend de là où tu le fais pousser, ce que tu mets dedans. Tu vois, l'azote, par exemple, je faisais de la soupe d'ortie. Il y avait des techniques, tu vois, pour enlever les doryphores. Je mettais de l'ail, du persil à côté des tomates. Ça les faisait parfaits. Plein de petites techniques comme ça qui font que tu mets pas de produits de merde, tu vois. Et voilà, Mais je t'avoue que les graines, je me suis pas pris la tête. Moi, je me suis dit, ça va pas. C'est quand même important, ça. Vois, c'est là, des pesticides, Martin, aujourd'hui, avec les graines qui sont cataloguées, sans les engrais qui vont avec, elles ne poussent pas, quoi. Alors, il existe des graines d'héritage, hein. On peut encore trouver des graines d'héritage. Oui, ça, mais ça, c'est interdit en France. C'est interdit, hein, les graines. C'est interdit. Alors, c'est interdit à la culture et à la vente. Tu as le droit d'en avoir, mais tu n'as pas le droit de les cultiver et tu n'as pas le droit de les vendre. C'est privé, je crois, privé, tu peux mettre. Enfin, t'as raison, j'ai compris, il y a des lois, mais t'as le droit de planter ce que tu veux. C'est pas une grosse société. Là, quand t'es une grosse société, t'as des hectares, à la limite, là, t'as des obligations. Tu dois acheter des graines. Non, mais là, quand si on prend un projet collaboratif, faudra s'informer sur ce sujet-là, mais effectivement, il existe le fameux Codex Alimentarius qui définit les graines utilisables, les semences utilisables, etc. Et il y a une grosse bataille, c'est pour ça que l'association Cocopelli, d'ailleurs, qui vend des graines même de légumes qui ont disparu, etc., a énormément de problèmes avec l'Union européenne. Non, mais Patrick, quand tu as acheté tes graines, je veux dire, y a pas, enfin, j'ai pas, enfin, tu as pas vu, est-ce que tu as vu Monsanto? Y a pas de... Non, mais c'est pas des graines. Ah non, Monsanto, mais attention, ah bah, attends, Monsanto, le truc, c'est que c'est des brevets de graines, en fait. C'est ça, c'est pas marqué Monsanto en fait sur l'étiquette. C'est qu'ils déposent des brevets de graines et ils te déposent une obligation effectivement de certaines semences. Alors après, c'est pas tout non plus puisque machin, mais ça concerne pas mal de produits effectivement. Particulièrement, vous remarquerez les pommes, il y a très peu de variétés. Les granis, les machins, les trucs là, il y en a 4-5, enfin tu vois, c'est que des trucs comme ça. En fait, les graines, si vous voulez, c'est des graines H1. Elles sont génétiquement modifiées pour ne pas se reproduire. Ce qu'ils veulent absolument, si tu veux, aujourd'hui, c'est donc ils les fragilisent en partie et ils leur mettent un enrobage de protection, je vais dire, fongique. avec une certaine durée dans le temps, qui t'oblige après ensuite à contribuer à la pousse de la plante en amenant soit un traitement foliaire, soit un traitement racinaire. Et elles sont génétiquement modifiées pour ne pas pouvoir réutiliser ces graines pour refaire un semis. Les graines d'héritage, à la différence, elles sont complètement naturelles. Elles ont l'ensemble du patrimoine génétique qui les a composées et tu peux les réutiliser pour faire des semis. C'est-à-dire que sur ta récolte, tu récupères 50% des graines qui sont issues des fruits ou des plants et puis tu peux les réutiliser. Voilà la grande différence. C'est pour ça qu'ils veulent absolument que tu utilises leurs graines parce que tous les ans, tu passes au tiroir caisse. Voilà. Alors après, encore une fois, pour ton projet à toi, pour ton alimentation perso, tu fais ce que tu veux. Effectivement, si c'est un projet collaboratif, tu seras dans l'obligation d'utiliser ces graines-là. Rien maintenant ne t'interdit effectivement de cultiver ces graines et de faire une production agricole pour la vente de ta communauté. D'accord, donc enfin, si c'est Monsanto, même si tu achètes ça dans un centre commercial, oui, ça sera peut-être, il y aura peut-être une taxe vu que c'est breveté. Mais, non, elles seront forcément F1, c'est-à-dire qu'elles ne te donneront aucun semis viable. D'accord. Et qu'en plus, pour pouvoir être viable, tu as une chance sur deux de nécessiter des traitements annexes, d'accord, pas simplement la nature telle qu'elle est, quoi. D'accord. Ben, et d'avoir donc des fongicides ou des trucs pour permettre à la graine de germer, en fait. D'accord. En fait, c'est des graines modifiées. Et est-ce qu'on peut trouver des graines, enfin, comme tu disais, d'héritage. D'héritage, Pierre. Sur Internet, il y a des échanges de graines, comme il disait tout à l'heure Pierre, je crois, d'anciens légumes qu'on ne trouve plus, genre les carottes blanches, des choses comme ça. Chez l'association Cocopelli, c'est bien connu. Il se bat justement, mais d'ailleurs Cocopelli sont les premiers à dire que finalement il y a une espèce de résilience de l'État français qui les laisse faire ce qu'ils font, parce qu'ils savent très bien que s'ils les empêchent de vendre ces graines-là, ils vont avoir affaire à un soulèvement bien plus nombreux et que ça risque de poser des problèmes en fait. Ah oui, parce que les cutéreux, ils rigolent pas. Alors, t'as le mais il est évident que comment ça s'appelle, le catalogue des semences européens, effectivement, qui lui t'interdit de vendre des semences qui ne sont pas répertoriées dans ce fameux catalogue. Dans le fameux Codex Alimentarius. Je crois que c'est deux choses différentes, le Codex Alimentarius et le catalogue des semences européens. C'est deux trucs différents. Ils sont forcément liés puisque c'est de l'alimentaire. Voilà. De toute façon, ils nous mettent une carotte, quoi, en gros. Par contre, Martin, non, les agriculteurs, non, ils sont obligés d'acheter, directement chez les grainetiers officiels, etc. Ils sont obligés. Je parlais pas des gros. Je rebondissais sur Jessica, c'est ça, qui disait que tu pouvais encore faire pousser les graines que tu voulais chez toi, à petite envergure, quoi, parce que si tu coupais ça, il y aurait un soulèvement des paysans, parce que voilà, tous les maraîchers qui font pousser leur bouffe pour leur famille pour l'année, ça fait quand même pas mal de monde, tu vois. Et je pense c'est pas des maraîchers, c'est pour moi c'est des cultivateurs, pas des cultivateurs, des jardiniers, voilà, c'est des jardiniers. Un maraîcher, pour moi, c'est déjà un cran au-dessus, c'est quelqu'un qui va vendre sa production. Pas, est-ce que tu pourrais réintégrer Juvin, s'il te plaît? Ok. Excuse-moi, Pierre. Non. Après, sachez que aujourd'hui, au niveau des phytos, notamment au niveau agricole, les intrants qui sont utilisés, il y a 20 ans de ça, les agriculteurs, par principe, ils surdosaient. Parce que les produits phyto étaient pas trop chers, etc. Et effectivement, pour garantir leur rendement dans leur esprit, c'était qu'il fallait surdoser. Il faut connaître un petit peu les prix des phytos aujourd'hui. Sachez par exemple qu'une petite bouteille de 75 centilitres qui est super concentrée, ça atteint des prix en phyto assez extraordinaires. Donc les agriculteurs ont tendance aujourd'hui à mettre la juste dose parce que la facture phytosanitaire sur l'exploitation, c'est monstrueux. Quand on voit par exemple pour le blé, les traitements qu'il y a sur le blé, c'est assez fantastique. Et puis après, toutes les dérives qu'il y a par exemple sur le blé, comme les raccourcisseurs. Je suppose que vous n'êtes pas au courant, mais sachez qu'on met des hormones de on appelle ça du raccourcisseur, pour que le blé il ne pousse pas plus de 80 cm afin que l'épi ne verse pas, que toute la puissance qui était montée dans la tige, toute l'énergie qui monte dans la tige, eh ben, elle va directement au grain, comme ça, ça permet d'avoir un rang d'épi en plus. Et il y a plein de choses comme ça, donc c'est assez fantastique. Quand on commence à étudier un petit peu le milieu phytosanitaire chez les agriculteurs, on s'aperçoit que finalement, comme la terre elle est complètement appauvrie, ils sont obligés de passer par là, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des rendements de 115 hectares. Ouais, tout à fait. Mais bon, de la merde en boîte. Les graines, bonsoir. Il y a aussi les graines des céréales qui sont complètement interdites. C'est-à-dire, il y a des graines, pareil, d'héritage, comme vous appelez là. Il y a une grande variété de céréales, en fait. Et maintenant, il n'y en a plus que deux ou trois qui sont plantées, quoi. Non, tu te trompes. Il y a énormément de graines, mais complètement modifiées. Moi, j'habite à côté d'un grainier qui fait des essais partout dans des parcelles. Donc, t'as plein de petites parcelles comme ça où c'est entouré avec des géotextiles pour protéger, etc. Et t'as des rafales de noms de céréales. Mais si tu veux, c'est des produits qui durent, allez, 3, 4, 5 ans. C'est des gammes de produits dans le blé où ils vont modifier selon les saisons, selon leur prévision, et puis selon les produits phytosanitaires qui sont élaborés en amont, cette graine-là elle ne fonctionne qu'avec ce type de produit-là. Donc il y a un gros catalogue de graines, quoi qu'on en pense, mais c'est des graines qui sont complètement attachées à ces produits phyto. Ouais, c'était... C'est des combos, quoi. Voilà, des combos. Ouais, je parlais des graines, des céréales anciens qui pourraient être cultivées, mais c'est carrément interdit. Enfin, moi, je connais quelqu'un qui est dans le Nord, et ça, je crois une de ses cousines qui a du terrain, avait fait pousser des céréales, tu vois, qui étaient des anciennes espèces de céréales, et elle s'est fait alpaguer, elle a eu des emmerdes, elle a dû... couper ses champs et payer des amendes. Ouais, pour faire du pain différent et tout, avec du levain, pour faire du levain différent. Mais c'est clair, maintenant que t'as deux, trois races de blé, il n'y a plus de fleurs autour des champs, c'est pauvre en insectes. Moi, je suis pas vieux, mais c'est vrai que j'ai du décalage, hein. Rien qu'en 30 ans, c'est incroyable. Avant, c'était blindé de coquelicots, c'était blindé de bétail qui volait autour des champs. Maintenant, c'est vraiment... Il n'y a plus rien. Je sais qu'il y a même aussi... Martha, il y a une histoire aussi avec les oiseaux. Il y en a de moins en moins dû à ça, il me semble. C'est ce que j'avais lu il y a un an. Je sais pas si tu es au courant. Avant, on voyait beaucoup d'oiseaux dans les petites campagnes, tout ça, là, dans les maraîchers, il y en a de moins en moins. Non, c'est parce que la Terre, elle est plate, alors quand ils dépassent la Terre, ils tombent après dans l'espace. Non, sérieusement, non, je l'ai lu. Non, mais je sais, oui, je sais, c'est vrai. L'actualité, j'avais vu ça. C'est-à-dire, on subit à tout niveau, quoi, hein, c'est-à-dire dans l'échelle de la nature, avec ce problème-là dont vous parliez, là, le codex alimentarius, etc. D'ailleurs, je crois que c'est américain, si je ne dis pas de conneries. Mais c'est vrai que c'est... Ça ressemble plutôt à des lapins. Pardon, tu disais quoi? Non, je disais que oui, c'est de plus en plus... ils essaient de compliquer la chose, ils essaient de réglementer, d'interdire. Parce que c'est vrai que j'ai aussi... Ah, pardon. Bref, j'avais vu un petit reportage sur des mecs... Qui allait dans le coin le plus reculé du monde pour voir s'il y avait des zones sur Terre qui n'étaient pas touchées par les OGM. Ils étaient persuadés que c'était pas possible et compagnie. Ils étaient partis là où ils cultivent les patates dans le Pérou, là, dans les hautes montagnes, et ils se sont aperçus que c'était OGMisé, pas un gros pourcentage, mais que voilà, c'était niqué sur toute la planète, quoi. Ils s'en sont rendus compte comme ça. Eh bien, il reste à peine 10 minutes, donc on va se faire les au revoir. Hein. Je vais vous faire plein de bisous à vous tous. Au revoir. Au revoir. Salut à tous. Merci à vous. Là, j'arrive à la fin. Juste pour un petit mot là, concernant la poulicelle. Pour parler en plus, vas-y. Ouais. Ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette satanée maladie de Lyme là, que nous file l'éthique, apparemment ça viendrait de là aussi. Quoi. Mon gosse l'a chopé l'année dernière. Et ben, c'est une sacrée saloperie en fait. Ça viendrait du fait du traitement des champs et tout. Et les tiques ont développé une espèce de défense. C'est pour ça que maintenant, du côté de la Vendée, de la Bretagne, on se retrouve mais infecté dans les forêts. Il n'y en a jamais eu autant. Moi, j'ai halluciné. Et ben voilà, cette satanée punaise de maladie, faites gaffe à ça, parce que si vous la détectez pas dans les 3 semaines, ben c'est neurologique et ça peut bien vous atteindre. Surtout qu'en plus en France, le traitement c'est seulement 3 semaines, alors que quand on regarde un peu au niveau de l'Allemagne et tout, ils demandent minimum presque un mois et demi de traitement. Donc voilà pour finir sur cette bonne parole. Ouais, on peut même se demander si au niveau traitement, mais c'est vrai que j'ai vu une conférence là-dessus il y a pas longtemps et ça te détruit la vie, hein, ce truc. C'est une vraie saloperie. Surtout si c'est pas pris à temps. Voilà, si dans les 3 semaines tu prends le truc, c'est bon, ça peut se gérer. Même les médecins, nous, quand mon gosse t'a appris à demander à ce qu'on prenne des photos, qu'on leur envoie les photos, de manière à ce que les mecs soient de plus en plus au courant, parce que c'est un truc qui vient apparemment d'apparaître et le corps médical a pas l'air de le prendre vraiment au sérieux, le truc, quoi. C'est un peu ça le souci. D'accord. Donc faut faire gaffe quand on va faire des balades en forêt, quoi, en fait, c'est ça. Ouais, vous faites piquer par une tique. Alors après, normalement, tu vas te retrouver avec une espèce de petite rougeur 15 jours, 3 semaines après. C'est le premier symptôme au niveau de la piqûre. Après, elle disparaît. Au bout d'un mois et demi, tu as d'autres symptômes qui vont apparaître, c'est-à-dire des plaques rouges un petit peu partout. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire le lien. Parce que tu vas te retrouver fatigué, mal à la tête, des trucs. Et on ne fait pas le lien avec la piqûre que tu as eue il y a un mois. Et c'est là le souci, en fait. Et moi, j'ai halluciné en allant en France l'année dernière, ou en me baladant en Vendée, en Bretagne. Mais putain, en 10 minutes de temps, on s'est retrouvé, moi, ma femme, les gamins, avec... 10-15 tics sur les jambes, quoi. Je me suis baladé en France, je suis né en France, je me baladais, il n'y a pas tant de tics que ça en forêt. Et là, mais c'était hallucinant. D'accord, c'est en forêt uniquement, hein, c'est ça que tu dis. Ouais, en forêt. Et les forêts, en fait, qui sont en bordure des champs qui sont cultivés aussi, apparemment. Ah, tu vois ? D'accord. Vous avez fait l'expérience, allez faire un tour, regardez autour de chez vous. Vendée, Bretagne, moi j'ai halluciné, quoi. Hein. Tu rentres dans la forêt. Comment ? Faites gaffe quand vous allez en forêt, donc surtout Vendéens et Bretons. Alors, on ne sait jamais s'il y a des tiques qui traînent. Mais c'est partout en France. Ouais, c'est partout en France, je pense. Il faut bien se regarder partout, parce que des fois, tu les vois pas, ces petites saloperies. Bon, au moins, on mettra des jeans, hein, écoute. Après aussi, je voulais apporter un autre petit détail, hein. Alors, c'est peut-être facultatif ou insignifiant, mais on parlait de planter et vous avez parlé aussi de mettre des lapins, mettre des poulets, des poules. Mais après, moi, c'est un petit détail, hein, mais je sais pas, ça me dirait pas de couper la tête d'un poulet ou d'un lapin. Je pense que même les femmes, j'imagine, c'est plutôt un truc Bon, je dis pas, c'est pas péjoratif, hein, un truc de paysan. C'est le but de redevenir tous de bons paysans, en toute honnêteté et en toute simplicité. Rêvons. Voilà, je pense que c'est le mot de la fin. Rêvons. Passons à un avenir plus serein. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour le mot de la fin, si je peux me permettre. Moi, je dépiote. Je cuisine et je mange. Voilà. Je fais la totale. Ah, mais t'es exceptionnel, Véro. Voilà. Je pensais à toi direct, Véro. Non, moi, j'oserais pas couper la tête d'un poulet, d'une poule. Je sais pas. Ça. Ah, mais ça, après, c'est des questions. Eh ben, tu vas devoir t'y mettre. Allez, vas-y. Mais Jo, il va falloir que ça arrive. Tu vas à la poule pour lui couper. Oh, les mecs, les fragiles. Coupe la tête d'un poulet, tu mets un coup derrière la nuque au lapin. Ça y est, c'est bon, c'est vite fait, quoi. Vous voulez faire la révolution, vous pouvez pas égorger un poulet, les mecs? Ah bah putain, c'est pas gagné. Non, parce que moi, je me rappelle à Lyon, j'allais voir de la famille. Oui, on est encore à l'antenne, donc écoute, tu nous expliqueras ça en privé, hein. On va pas commencer les anecdotes. Merci à vous, merci à tout le monde. Ciao, ceux qui nous regardent. Ça marche, merci. Et puis, voilà, je vais mettre du son pour finir, parce qu'on finit toujours en chanson. Allez, au revoir, ciao, tout le monde. Salut. Au revoir, ciao. Ciao. Ciao.